Salut les accros, aussi le Big Ben. Antithèse. Rétro Gamer PQ. Et Marilyn. Pour le podcast des accros, ici l'édition du mois de juillet 2012. Ici l'édition, waouh. Hey, j'ai sort les mots, moi, là. Il fait chaud. Il fait chaud, oui, il fait beau soleil. Écoute-toi les nouvelles, Ben. Non. Là, moi, je viens de commencer mes vacances, fait que... Ah! Je viens comme de prendre une tangente plus relaxe. Mais toi, t'es chanceux, il fait soleil. Oui, toi, t'as été tellement chanceux un peu. Moi, lui, il est chanceux, il est en vacances. À Québec, qu'est-ce qui se passe? Il fait beau. Il m'a bien dit qu'il pleut. Non, mais il a plu durant mes vacances, là, 2 semaines. Ah, oui, effectivement. Tout le long. Ah. Okay. J'ai pas fait grand chose à part dépenser. T'as plus ou moins avancé dans tes jeux d'abord. Un petit peu, ouais, un petit peu. Comment ça va, vous autres? Ben, moi, ça va bien. Toi? Ça va super bien. Quoi de neuf de votre bord? Je vais commencer avec toi, oui. Je vais rétro. Ok, ben, moi, quoi de neuf? Écoute, je me suis procuré ma première tablette. Oui. Ma Galaxy Tab de Samsung. Oh, monsieur est fancy. Oui, fancy. Je trouve pas que 250$ c'est fancy, mais en tout cas. Un peu, comment... j'aimerais ça avoir une petite critique rapide sur cette tablette-là. Pour avoir l'air de quelqu'un de biaisé, moi je suis un fan des trucs Samsung, fait que déjà en partant, je suis biaisé, mais c'est la tablette de 7 pouces. Avec Honeycomb 3.2 installé dessus. Android. Ok. Puis, à date, j'aime bien ça. C'est pratique. D'ailleurs, je me sers pratiquement plus de mon ordinateur pour surfer le net et aller checker mes courriels. Je fais pratiquement juste ça avec la tablette. À part faire mes vidéos puis jouer à des jeux sur mon ordi, je fais pas grand chose d'autre avec. Je pense que la tablette a carrément là, shifté mes habitudes d'Internet. Selon toi, ça a vraiment changé la manière que tu avais de... d'utiliser Internet, d'utiliser les applications? Ben, en fait, j'utilise Internet de la même façon que je l'utilise sur mon ordinateur. Browser, checker les sites, mes nouvelles, etc. Sauf que je suis dans le confort de mon salon, puis quand j'ai besoin d'une information, ben, au lieu de me lever et d'aller voir sur l'ordi, ben, j'ai ma tablette direct. Fait que ça serait une tablette que tu recommanderais à tout le monde? Ben, pas nécessairement. Il faut vraiment en avoir besoin. Moi, j'ai besoin des deux parce que je fais du montage vidéo puis du gaming. Mais quelqu'un qui fait juste de l'Internet puis checker ses courriels, je pense qu'une tablette, c'est excellent. C'est intéressant. Ça prend pas beaucoup de place, puis ça pousse, c'est pas mal, c'est petit, mais c'est potable. Surtout, je me suis recommencé à lire en plus. Moi, je t'avouerais, je commence à regarder pour une tablette également, vu que on a des rumeurs comme quoi que Apple vont nous sortir le Apple Mini, le iPad Mini, alors ça commence à m'intéresser un petit peu. Alors, c'est quelque chose que je regarde prochainement. Ouais, c'est un bon ajout. Donc, on fait vrai que le Samsung a effectivement des excellentes cotes. Regarde, quand c'est rendu que même les téléphones Android, Samsung, ils battent les iPhones. Oui, ça, écoute, c'est un des plus gros compétiteurs, à mon avis. Mais il y a HTC qui voilà. S'en vient pas pire aussi. Le quoi? HTC, ils s'en viennent pas pire aussi. Là. Oh, ma copine a des problèmes avec HTC, des problèmes qui semblent assez basiques, puis pourtant, elle est à jour en plus. Fait que... Il y a 2 mois, j'aurais dit la même chose que toi, mais là, je vois qu'il y a des problèmes avec les HTC, puis quand c'est rendu que même les représentants ne savent pas régler le problème. Ouais. Ben, moi, je connais beaucoup de monde qui ont des HTC, puis ça va bien. Moi, j'ai un téléphone Samsung Mi A2, voilà. Puis c'est de la merde. Fait que. Oh. Puis ça, c'est d'un fan de Samsung. Moi. Mais bon, c'est peut-être parce que c'est un Windows Phone aussi. Là. Moi, je ça doit être pour ça. Moi, tu vois, je m'en allais vers un HTC également. Parce que là, je veux changer mon téléphone parce que mon BlackBerry, oublie ça. Je suis plus capable de le voir. J'ai envie de le frapper à chaque fois que je le vois. Là. Qu'est-ce que c'est quand t'es BlackBerry, toi? Hey, il me gèle à part que c'est très en retard. Écoute, je te suggère le Samsung Galaxy S3. Regardez, moi, là, ce que j'ai envie de faire, c'est de prendre le téléphone à Marilyn. C'est aussi simple. C'est quoi? C'est quoi ton téléphone, Mary? Mon téléphone, attendez une minute. Ça serait pas long. Moi, c'est pas un BlackBerry, c'est pas un Shitberry, je m'excuse. Un Shitberry. Oui, c'est un de mes chums qui a appelé ça un Shitberry. Depuis ce temps-là, je l'appelle le Shitberry. T'as peu, je vais te dire ça. C'est de Samsung, moi aussi, fait que j'ai jamais eu de problème. J'ai jamais eu de problème avec les Samsung. Donc, c'est juste un flip normal que tu... dans le fond, pour texter, là, plus vite. Mais sinon, il n'y a rien de très spécial, mon beau cellulaire. Bon. Mais tu sais, quand c'est rendu que son cellulaire, il me donne envie de le prendre plutôt que le mien. Puis j'ai un shit berry. Tu sais, on est rendu vraiment bas, là. Puis de savoir, en plus, la compagnie est en train de faire quasiment faillite, puis que... Oh, la compagnie est en train de faire faillite. Oh, oui, totalement. En plus, un beau me dire, moi, j'étais avec Rogers, un beau me dire, oh non, ça, les rimes, ça fera pas faillite. Regarde le SMAT, c'est parce que leur action, leurs options sont après... sont en chute libre. Viens pas me faire à croire que... Ils sont pas après faire faillite. Voyons donc. Non, totalement, je suis bien d'accord avec toi. Moi, je regarde présentement, je vais changer de compagnie en même temps. Je m'en vais peut-être avec un HTC Amaze. Un Android, là, finalement. Mm-hmm. Celui-là m'intéressait beaucoup. J'aime beaucoup HTC parce que c'est des gros téléphones. C'est ce que j'aime de HTC comparativement à lorsque tu vas avec les autres compagnies. C'est tout des petits écrans, c'est pas bien gros. J'ai quand même des gros doigts. Ok, ouais, c'est sûr, dans ce temps-là. Ouais. Tu sais, avec mon iPod Touch, là, j'ai de la misère des fois à choisir des applications parce que mon doigt, ben, il clique sur l'autre à côté, tu sais. C'est ça que moi qui m'agace. Moi, ok, ouais. Mais non, c'est ça. C'est fait pour toi. Ben, pour moi, oui, ce serait un HTC, j'irais plus, là. Mais. Je le magasine prochainement. J'attends vos commentaires, les accros. J'aimerais ça savoir vos suggestions de téléphone. On a pas mal de geeks qui aiment les téléphones sur notre site, alors ce serait fun d'avoir vos nouvelles là-dessus. Samsung Galaxy S3. ou ceux qui viennent après. N'importe quoi sur un BlackBerry, parce qu'un BlackBerry a le don de me réveiller en plein milieu de la nuit ou à 6h du matin d'une façon très très très désagréable. Hey, mon BlackBerry, mon alarme est à 1h30, bon. Ouais, mais c'est parce que moi, c'est surtout Facebook. C'est le Facebook, genre, qui fait comme... Ah, il y a quelqu'un qui vient de liker qu'est-ce que tu viens d'écrire à 3h30 du matin. Ah, mais c'est comme ma tablette. À chaque fois que je reçois un courriel, t'as une espèce d'oiseau qui fait un bruit en plein milieu de la nuit. Tu dois réveiller ma blonde de même. En lui envoyant un message texte à Mimi. Je t'aime, mon amour. Je dormais... Oups. Oui, ça, c'est ce qu'on se faisait, Marie-Lune et moi, dans nos premiers temps. On se réveillait mutuellement par messagerie. Mais c'est romantique! Ouais, mais c'est le début de notre histoire d'amour. C'était pas grave. Là, ça, si on le ferait, je sais pas, j'aurais peur pour ma santé. Ok. Oh. Il exagère à peine. Je l'aime, je t'aime, Marie-Lune. Ouais, on va te dire. Sinon, à part ça, on va jaser avec PL. Qu'est-ce qui se passe de neuf dans ta vie côté geek? Côté geek, malgré ma critique, je prends mon temps avec le jeu Lollipop Chainsaw. Ok. Fait j'ai commencé à faire quelques niveaux et cette fois-là avec une coéquipière. Juste un instant, s'il vous plaît, vous allez assister à un réponse live, justement. Chérie, t'as fait un podcast. Chérie, je t'ai pas averti, mais je fais des podcasts, là, des fois par mois, avec des gars que je connais pas, ben. Qui, ils sont louches. Surtout Marie-Lune. Désolé, c'est pas grave. Il y a des interruptions d'air. Qu'est-ce qui est plat? Je sais pas si tu l'as entendu, la maçonnerie, mais c'était la tune du trailer du film The Avengers. Bref, pour revenir avec le sujet, donc le côté geek, c'est ça, c'est beaucoup de Lollipop Chainsaw. Je joue un petit peu à gauche à droite aussi, à Castlevania encore, à Mirror of Dissonance. Je prends mon temps. Fallout 3. Ce qui me désole, c'est que j'ai laissé la DS de côté. Je pense que d'ailleurs, elle m'appelle de détresse, ou c'est ma petite chatte qui m'appelle de détresse, je ne sais pas. Bon, ouais. Ah, puis là, je ne crois pas, tu as laissé la DS de côté. Elle va avoir de la peine. Non, c'est ma DS de côté. Ça fait miaou, mais c'est ma DS qui m'appelle en détresse. C'est ta DS qui t'appelle en détresse, c'est ça, je comprends, là. C'est ce que je viens de dire. T'as vu que tu y rajoutes un 3 devant ou... Bon point. Parce que même ma 3DS, ça veut dire de l'appeler la DS simplement, parce que c'est plus vite, mais bon. On se comprend. Part de ça. Sinon, je vous dirais que j'ai fait beaucoup de fouillage. De fouillage parce que j'ai vraiment j'hésite à acheter qui me serait rajouté justement à mon côté geek. J'hésite beaucoup à me procurer Rocksmith. Le jeu de guitare d'Ubisoft là, pour apprendre à jouer de la guitare. Toi qui vous m'avez perdu. Ça c'est ça la joke, c'est que ça fait quand même une bonne douzaine, quinzaine d'années que je joue de la guitare. Mais apparemment c'est plus que jouer de la guitare, ça t'aide également à te perfectionner, mais ça j'hésite pareil. Je sais pas, j'ai pas vu les commentaires. De toute façon, je suis pas intéressé à apprendre la guitare. Et voilà. Je pense pour la plupart de nous, c'est ça le problème avec Rocksmith. J'ai entendu des commentaires pour apprendre à jouer de ce que j'ai appris, le monde a aimé, mais j'ai pas eu de nouvelles de ceux qui est expérimenté. De toute façon, même l'advertising du jeu, c'est vous allez apprendre à jouer de la guitare. Ouais. Ouais. En tout cas. Bon, mais moi, je suis déjà avec du jeu de guitare, ça va pas bien. Mm-hmm. Ok, là, on est rendu aux côtés de Marilyn. Qu'est-ce qui se passe côté geek de ton bord? Je pense que vous allez voir une petite balle de foin qui se promène à quelque part pas loin de moi, parce que c'est pas grand-chose côté geek de mon bord. Dis pas ça. Non, je suis pas sûr, parce que t'es en ce moment dans une grosse lecture. Geek un jour, geek toujours. Et merci beaucoup. C'est vrai, il y a une chose qui se passe dans ma vie, puis ça prend probablement peut-être pas autant de place que les jeux vidéo, mais même plus que ça. Oui, je dévore les 3 tomes de Hunger Games à la suite de l'autre. C'est geek ça. C'est geek certain. Et franchement, c'est excellent. J'ai lu le premier tome avant d'aller voir le premier film. Et j'ai franchement hâte de voir ce qu'ils vont faire avec le deuxième livre et avec le troisième livre. Cool. Ben, selon moi, ils vont faire comme dans Harry Potter. Ils vont couper le troisième livre en deux pour pouvoir faire plus de cash, faire d'autres films. Et je suis pas sûre que ça se ferait, moi. Personnellement, avec l'histoire. Non, mais avec l'histoire, ouais, je suis pas sûre que ça se ferait. Je sais pas. J'ai pas lu les livres encore. Faudrait bien que je commence à y commencer et m'emmener. Ah oui, mais toi, Vic, qu'est-ce que t'attends? Ben, j'ai plein d'autres choses à faire. Regarde, moi aussi, je vais vous expliquer qu'est-ce que je fais dernièrement. Ben oui, je viens de finir Gears of War 3. Oh! Qui m'a pris 12 heures. Ça m'a pris plus de temps prévu parce que j'ai joué à Hard, mais j'ai vraiment capoté sur ce jeu-là. Sérieusement, là, les émotions humaines, mais pour ce qui est de l'histoire, l'émotion humaine était plus présente dans celui-là que dans les autres. J'étais vraiment touché par l'histoire. Puis j'ai vraiment accroché, j'ai vraiment fait le tour. Ça a pris à peu près une semaine et demie, j'ai fini tout seul. Puis sinon, ben, je suis pas mal occupé. J'ai commencé à faire Donjons et Dragons Online. Vu qu'il est rendu gratuit, j'ai essayé. Ah, le MMO, là. Okay. Oui, le MMO. J'ai eu un peu de misère, je te dirais. Je sais pas de ton avis, rétro, mais moi, j'ai eu un peu de misère avec surtout les contrôles. Puis, Ben, je sais pas, j'ai pas vraiment joué, mais j'ai entendu dire qu'au point de vue règles puis tout ça, c'est pas ben D&D. Ben, c'est que moi, ce que j'ai pas aimé, c'est c'est comme t'as un maître de jeu qui t'explique qu'est-ce qui se passe. OK. Pendant que tu joues. Fait que tu sais, à la place que tu suis l'histoire, que quelqu'un dit « Ah, il y a telle affaire, faut que tu ailles chercher. » Là, t'entends une voix en arrière, en back-off. « Votre tel joueur vous demande de faire telle quête. » Oh, ouais. Ah, t'es comme... C'est un petit peu plate, hein? Oui, c'est plate. Sérieusement, là, j'ai comme décroché. Je pensais m'avoir trouvé un petit MMO pour remplacer WoW, mais finalement, j'ai fait comme... Ce qui me semble, quand tu te retrouves dans un environnement, le but, c'est de s'immerser, là, pas se faire... Oui, parce que sur table, la différence, c'est que t'as pas d'immersion visuelle, faut que tu te fasses raconter. Mais là, c'est pas sur table, là, c'est visuel. C'est ça, tu le vois tout. Non, j'ai été déçu là-dessus, sérieusement, j'étais comme... j'ai décroché, j'ai joué peut-être quoi 2h30. Ok. Puis j'ai comme fait... non, je l'ai encore sur mon ordi, puis je pense que je vais le déliter dans pas long, puisque j'ai pas trippé. Bon, il faut essayer pour voir. Hein. Et oui. Puis sinon, ben là, je viens de commencer Skyrim. Skyrim! Écoute, j'entends tellement parler de ce jeu-là à ma job, là, puis je suis tellement curieux, il va falloir qu'éventuellement je check ça, mais. Et, en tout cas. C'est immense, c'est big comme jeu. J'ai peur d'être déçu parce qu'on m'a tellement dit des bonnes choses que un moment donné, je vais arriver là-dedans, je dis, ah, c'est juste ça, tu comprends? Ah, mais il y a pas mal de choses, je te dirais. Déjà que, regarde, dans Skyrim, là, tu vois vraiment que c'est un squelette faire un gros MMO. Okay. La manière que ça va être fait, ça va être vraiment cool. Si tu as aimé Oblivion, au cas où je sais pas si tu as Oblivion. J'ai jamais joué aucun Elder Scrolls. Ah, ben, j'allais dire, si tu as aimé Oblivion, tu vas adorer Skyrim. Mais là, c'est futile. Okay. Ce que j'ai vraiment j'ai aimé Skyrim, c'est que ton personnage, tu le crées vraiment de la manière que tu veux l'avoir. Dans les autres, auparavant, t'avais des classes à choisir. Fait que, tu sais, si tu voulais avoir un mage qui faisait de l'arc, mais tu prends ta classe, tout ça. Dans ce jeu-là, tout ce que t'as à faire, c'est vraiment t'améliorer dans ce que tu veux faire, finalement. Si tu veux frapper à l'épée, tu frappes à l'épée. Tu vas devenir de plus en plus fort à force de les utiliser. Si tu veux faire de la magie, c'est la même affaire. Si tu veux enchanter des items, c'est la même affaire. Écoute, on m'a dit que si j'avais aimé Monster Hunter 3G, ça oui, que j'allais aimer ça, puis j'ai pas aimé ça. Fait que... ben, je te dirais que Monster, t'étais comme... Moi, ce que j'avais moins trippé sur Monster, c'est que t'étais quand même lié à faire plusieurs choses que tu t'avais pas envie de faire, finalement. T'avais quand même des quêtes. Là-dedans, est-ce que tu peux te promener pour faire de la quête principale, ça pose pas de problème. OK. En tout cas, je verrai ça, là. M'amener un jour, quand j'aurai le temps, là. Quand tu vas le voir pas cher. Ouais, genre. Ben, moi, je l'ai commencé. Quand je l'ai joué la première fois, je l'ai loué. Puis, okay. Sérieusement, j'ai pas été déçu. Je l'ai même demandé à Noël pour comme cadeau. Puis, Marilyn me l'a acheté. Fait que. Et qui est fine! C'est pour ça que tu dis que t'aimes ça. Parce que là, si tu dis que t'aimes pas ça, ben là, on va dire, ben là, t'as juste un cadeau, full cher. Ok, là, je viens de me faire avoir. Non, c'est une autre. Non, mais le pire, c'est que depuis le début de ses vacances, ça fait 3 jours que monsieur est en vacances, ça fait 3 jours qu'il passe combien de temps là-dessus? Beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. C'est à peu près... C'est pas pire. C'est respectable. Oui. Parce que c'est non seulement c'est un jeu que tu, comme contre les Fallout, tu t'investis assez rapidement, mais c'est justement, qui dit s'investir rapidement, c'est également difficile à décrocher. Regarde Marie, je te dirais que Ben est assez softcore là-dessus. Comparé à Ben des gens que je connais. Mais moi, je suis capable de décrocher assez facilement, je te dirais. C'est ça, tu sais. Dès qu'il y a quelque chose d'autre qui m'attire, je suis comme, oups, rendu up. Ça me fait penser à une vidéo de Darkly Bits. C'est Pac-Man qui est en train de jouer à Skyrim. Sa femme en revient à la maison, puis il a passé la journée là-dessus, pas aller travailler, rien. Est-ce que t'es en train de comparer Big Ben à Pac-Man, toi là? Ben, je sais pas, t'aimes-tu les céréales? Oui, j'aime ça. Ben, t'aimes-tu ça, courir après les fantômes? Ah, moi là, je ferais ma vie comme Ghostbuster. Bon, ben, c'est ça, c'est Pac-Man. Waka, Pac-Man versus Ghostbusters. Sinon, j'ai oublié de vous dire, j'ai gagné une BD. Oh, également, ok. Des Mystérieux Étonnants. Je me suis inscrit à leur concours pour gagner une BD. Puis je l'ai gagné finalement. Et la BD s'appelle Ritual Rising. Ritual Rising. Oui. What is it? C'est une petite BD d'à peu près, je dirais, une centaine de pages. C'est fait par une compagnie indépendante qui a créé cette bande dessinée-là. Puis c'est l'histoire d'une femme qui se réveille comme en demi-enterrée. Puis qu'elle se rend compte que son monde est vraiment fucké. Tu sais, genre, il y a du monde qui la reconnaisse plus, il y a du monde qui la reconnaît, il y a du monde qui pense que c'est une fantôme. Elle a des marques de. C'est comme d'étranglement dans le cou. Elle a les yeux rouges pleins de sang. Puis. Une vampire. Non, c'est pas une vampire. Okay. C'est comme elle est revenue à la vie. Oh non, ça lag. Ça lag? En tout cas, moi, je trouve pas là. Mais c'est ça. Elle revient en vie. Puis elle essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe avec elle. Parce que là, elle est comme. Tu sais, elle est en vie comme toi puis moi. Mais tu sais, le monde ne la reconnaît pas. Puis. C'est vraiment cool comme bande dessinée. C'est pas quelque chose de hero, tu sais, comme action hero. C'est plutôt très très indépendant, mais j'ai bien aimé ça, sérieusement. Sinon, également, ben j'ai écouté. Non, j'ai pas écouté. J'ai commencé à lire la première BD de Walking Dead. Mm-hmm. Et c'est très bon. Ah oui, c'est sûr. J'ai trouvé ça très bon comparatif. J'ai quasiment mieux aimé la BD que la série télé. Non, moi, je peux dire que je suis pas mal 50-50. Là. 50-50? Oui, parce que la TV fait quelque chose de différent que dans BD, parce que c'est pas exactement pareil. Là. Non. Puis, ben, c'est différent les deux. Tu peux te spoiler, c'est sûr, mais il y a tellement d'affaires qui changent un petit peu. Fait que... mm-hmm. Effectivement. Fait que pour moi, ça a été ce que j'ai aimé. Bon, c'est cool, ça. Ouais. Alors, là-dessus, là, j'ai pas oublié personne? Bah, je pense pas. OK. Alors, on va repartir côté nouvelles. Parce qu'il y a eu même des nouvelles après le 3. Il y a eu des tonnes de nouvelles après le 3. Ouais, ouais, ouais. Pour commencer, bon, on va parler de la nouvelle 3DS XL. Je bave. 3DS XL. Je bave. Lag. Oui, lag. Je pense que c'est Ben qui lag. Ah non, c'est moi, c'est ma faute. Désolé, c'est de ma faute. Je sais pas si c'est tant ta faute que c'est toute notre faute à cause de. Parce que moi, comment Skype est géré, mais en tout cas. Moi, PL, on s'entendait super bien pendant qu'on t'entendait. Ouais, mais c'est parce que moi, j'ai accroché mon bouton pour mon micro, c'est pour ça. Ah, ok. Je me demandais. Je vais vous expliquer. C'est parce que je vais vous expliquer de quoi les accros. C'est que Marilyn et moi, on est dans la même salle pour faire l'enregistrement. Et mm-hmm. lorsqu'on fait les voix. Ben, c'est que souvent, ça fait de l'interférence. Vous entendez comme en double. Comme en ce moment. Comme présentement, vous entendez nos voix en double, probablement. Alors, okay. Pour éviter ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on utilise le système de couper le micro pendant que l'autre jase. Comme ça permet à l'autre personne d'avoir un bon son quand ça parle. Donc, c'est pour ça que ça a buggé et que j'ai oublié de peser sur mon piton. C'est ma faute. Bon. Je te pardonne. Ouais. Alors, comme vous avez vu, il y a une nouvelle 3DS XL qui sort fin de mois, je pense. Une date annoncée vraiment? 19 août. 19 août, je pensais qu'il sortait plus. Il sort en même temps que New Super Mario Bros. 2. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Expliquez pourquoi les 3DS présentement, au EB Game, au lieu de payer 169,99$, sont à 149,99$. Mm-hmm. Mm-hmm, oui. Alors, selon moi, ils essaient de les liquider le plus tôt possible pour pouvoir préparer la sortie de la nouvelle format de la console, finalement, là. Fait que c'est ça, comme elle va être, si je me souviens, 90%, ouais, 90% plus gros, ouais. Avec l'autonomie de la batterie va être également un petit peu plus longue. Oui. En ce moment, nos 3DS durent à peu près 6 heures de jeu, si je me souviens bien. Je pense que ça monte à 8 à 9 heures dans cette version. Ouais, c'est ce que je pense, je me semble que c'est ça que j'ai lu. Et étrangement, ils parlent pas de remettre un autre stick. Ben, je vois pas l'intérêt, parce que s'ils en mettraient un, ben, toutes les compagnies qui vont faire des jeux après vont vouloir l'utiliser, puis ceux qui n'auront pas pour le 3DS normal vont être obligés d'acheter le add-on. Ouais, c'est un fait. Puis pour moi, je trouve que c'est un bon move de ne pas l'avoir inclus. Maintenant, Nintendo commence déjà à parler de sa prochaine console portable à ce moment-là. Est-ce qu'ils vont en inclure un deuxième vu que c'est une nouvelle console? Là, ça ferait du sens de peut-être l'inclure. Mais pour l'instant, je vois pas l'intérêt d'inclure ça dans la console. Ben, je vois pas. En ce moment, je vois même pas pourquoi ils voudraient se pencher sur une nouvelle console portable, sérieusement. Ben, écoute, c'est pas pourquoi dans ce cas-là, ils mettraient la console 3DS en Excel. Encore une fois, c'est peut-être rien contre, c'est juste la rapidité de la chose. La rapidité que finalement, tout le monde, finalement, quasiment tout le monde a une 3DS. Là, finalement, Nintendo nous arrive. Ah, ben non, on va revenir à la charge avec une 3DS. Ouais, mais Excel. Ça, c'est la même affaire avec la DSi. La DS, on parle de Nintendo DS à DS Lite. Là, il y a un grand écart, ça va. Mais ensuite, tu parles de DS Lite, DS Lite à DSi, à DSi XL. Ça va finir quand, ça, les. C'est pas nouveau, ça. On fait ça dans le temps du Game Boy normal, tu sais. Oui, ça c'est vrai. C'est nouveau, parce que... ça a toujours été de même. Puis ça, c'est normal parce que c'est le chiffre de technologie puis d'offrir un nouveau produit au marché. Surtout dans un marché aussi compétitif que le gaming portable, surtout comme il s'en vient sur Android puis sur iOS. Mm-hmm. Et c'est normal, il faut que tu donnes quelque chose de nouveau sur le marché de disponible. Moi, personnellement, si j'avais eu l'option d'avoir un Excel, je l'aurais pris parce que au début. Moi avec. Mais, oui, je pense que tout le monde aurait voulu avoir un Excel. D'aller en acheter un autre. Là. Non, j'irai pas en acheter un autre, moi. Non, pas tout. Mais c'est-à-dire, ceux qui en veulent une plus grosse vont aller en acheter un autre. Puis si ta 3DS actuelle te satisfait amplement, tant mieux. Mais, tu sais, moi, ça ne m'empêchera pas d'y aller parce que, un, j'aime bien ça, les gadgets. Puis, deux, ben, un écran plus gros, moi, j'ai toujours préféré ça. Puis, comme je ne traîne pas ma DS avec moi, ben, un écran plus gros, ça va faire mon affaire. Je vais demander l'avis à Marilyn, parce que c'est quand même elle, notre expert en 3DS et toute console portable. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Personnellement, je trouve que c'est un autre gadget. Oui, Nintendo a fait beaucoup, beaucoup de consoles portables pour tous les genres et tous les goûts, qui semblent être jetables, entre guillemets, parce que veux pas, tu payes à peu près quoi? 300, 400 $ pour un produit? Ben, au là, début, ben 200, disons, pour la 3DS. Ben, c'est puis, comme les téléphones. Hein? Ouais, c'est ça. Sauf que, personnellement, bon, moi, j'irais pas l'acheter parce que pour mon utilité à moi, je trouve pas l'utilité. Sauf que je sais que des gens qui, par exemple, ont des enfants qui ont moins de motricité fine vont peut-être vouloir aller chercher la 3DS XL. C'est ce que moi, je pense. Mm-hmm. Puis les fans de la DSi ouais, XL aussi. Oui, effectivement. Avez-vous entendu parler comme quoi qu'ils ne vendent pas le chargeur avec? Non, ça, c'est une rumeur. Ça a été démenti plus tard par Nintendo. Ah, OK. Ah, ça, je ne l'avais pas vu, mais j'avais entendu parler comme quoi. Au début, il avait dit que la Wii serait vendu sans la Wiimote puis sans la Nunchuck. Ouais, mais c'était une mauvaise traduction d'un transcript japonais. C'est pour ça que, bon, on pensait qu'il n'y avait pas, mais finalement, il y en a un. Non, c'est ça. Effectivement. Donc, non, c'est ça. Pour ce qui est de la 3DS XL, comme vous avez pu voir, ça cause beaucoup de débats entre nous tous. Mais on va attendre de la voir. Peut-être des fois, ça va peut-être nous faire changer les idées. Peut-être qu'on va en vouloir une ou pas. Je vais vous en parler dans un mois. On s'en reparle dans un mois, oui, effectivement. Rendu là, oui, ou dans deux mois, en fait. Alors, sinon, avez-vous entendu parler également de la publicité sur Skype pendant les conversations? Ah, ouais. Oui. Non. Comme vous savez, nous, on utilise Skype pour faire le podcast. Parce que, bon, veut pas, on est quand même loin l'un de l'autre. Alors, on utilise Skype pour faire la conversation. Et nos chers amis de Microsoft ont décidé de faire, ben, si vous avez une version gratuite de Skype, ben, vous allez avoir de la publicité visuelle pendant vos conversations. Fait que, comme moi, j'ai fermé le Skype pour avoir juste mes autres images, mais j'ai quand même une petite image où est-ce que je vois, c'est avec qui je jase en ce moment. Et bien, vous allez voir de la pub en tout ça. OK. Et est-ce que ça va être sonore ou? Ils parlent pas que ça serait sonore. J'imagine qu'ils vont sûrement nous mettre des sons là-dessus pour nous inciter à regarder la pub. Là. Ouais, là, c'est un peu de l'imposition, c'est un peu du spam rendu là. Je sais pas c'est quoi l'autre terme, mais c'est quand je pourrais te dire, c'est pas un peu déplacé comme stratégie. Personnellement, je trouve ça ridicule parce que anyway, c'est pas tout le monde qui utilise Skype de façon régulière, au point de devoir mettre des publicités pour que ce soit. On a tellement de publicités partout sur Internet, pourquoi l'ajouter sur Skype? Moi, c'est mon avis personnel. Là. Parce qu'il veut sûrement faire du revenu publicitaire, probablement, que lorsque tu cliques sur la pub, ça leur donne de l'argent. Ouais, au point que vous dites que c'est envahissant, encore une fois. Il peut y avoir une limite à un moment donné. T'en as déjà sur Facebook, t'en as déjà sur Twitter, t'en as partout. YouTube aussi. Mais en même temps, il faut qu'ils supportent leurs produits. Ils ne sont pas capables d'aller chercher du financement par les inscriptions. C'est ça. Mais là, on parle que c'est Microsoft qui va mettre la pub, pas Skype eux-mêmes. Ouais. Ben, c'est parce que Skype a été acheté par Microsoft. Je sais bien ça, mais c'est ce que je veux dire. Ouais, je comprends. Mais je vois les deux côtés de la médaille, c'est ça le problème. Mm-hmm. C'est ça. Fait que, très dommage, on va vous en donner des nouvelles. MSN a de la pub. MSN a de la pub, même MSN, je l'utilise quasiment plus. Moi, j'utilise, ça fait longtemps que j'ai pas loadé mon MSN, il m'a dit. Moi, chaque fois que j'essaie de loader mon MSN, c'est pour parler à Marie ou à Ben, puis ils sont pas là. Fait que c'est dans mon coin. Moi, je l'utilise juste pour aller regarder mes emails. Écoute, on fera ça avec Ventrilo. Hein. Oh my god, Ventrilo. T'en sors des affaires, toi? Ça sort des boulamites, ces programmes-là, où, là? Ça sent les vieux raids de World of Warcraft. Attendez, dans pas long, on va utiliser TeamSpeak également. Oh shit, no way. Encore pire. Alors, prochaine nouvelle. Ceux qui sont membres du club Nintendo. Wouhou! Nous autres? Trois, quasiment, là. Nous quatre, ben, même. Nous même quatre? Ah, tu l'es toi aussi. Ouais, ah, ça veut même pas sa blonde, mais c'est pas. T'sais. Ah, mais ça, il y a des choses que je sais pas de ma blonde. Alors, on a eu l'annonce des cadeaux qu'on va recevoir pour les membres du club Nintendo de cette année. C'est ordinaire, hein? Ben, c'est pas mal ordinaire. Ben, on va commencer avec ce qu'ils nous offrent. Alors, pour ce qui est du forfait Gold, si vous avez atteint, je pense, c'est 300 points. Moi, j'ai 300 pas. Points, 300 points. C'est 300 coins, c'est le gold, 500, oui. C'est le platine. C'est ça. Alors, pour ceux qui sont gold, vous avez le choix entre un set de calendrier de Mario ou des jeux téléchargeables. Donc, vous avez le choix entre Super Mario Kart sur Nintendo, Super Nintendo, Legend of Zelda Majora's Mask, Mario vs. Donkey Kong Mini March Again ou Metroid 2. Et si vous, si vous avez obtenu le Platinum, et bien vous avez le choix supplémentaire, qui est un set de posters qui a à l'intérieur Skyward Sword, Luigi Mansion 2 et Kid Icarus, ou un jeu de cartes de Mario. Oublie ça, moi demain, je m'en vais checker ça pour essayer de pogner Metroid 2. Toi, j'ai pogné... Tu sais que les taux, t'as pris, déjà choisi ton cadeau. Ouais, j'ai pogné 7 de posters. Je vais les faire laminer. Puis... J'avoue que c'est quand même une bonne idée. Ce que je trouve, moi j'ai pris le fameux Majora's Mask parce que les posters, j'ai plus de place chez nous. on essaie de limiter les posters pour pouvoir faire plus de décoration normale. Pour Majora's Mask, écoute, t'as le choix entre le cadeau gratuit qui est quand même génial ou encore d'attendre, je pense, soit cet hiver ou l'an prochain très tôt pour sa version 3DS. Oui, je sais, mais j'aime quand même Majora's Mask, alors ben oui. Vu que ma version 64 est chez mon frère en ce moment, puis je suis pas capable de descendre à 5000 années pour aller le chercher. Oui, j'avais déjà trois versions de Majora's Mask. Déjà? Ben, j'ai celle-là sur Collector's Edition, j'ai la version sur le Wii Shop, puis j'ai la version originale. Non, moi j'ai l'autre version collection de Zelda qui avait les deux versions d'Ocarina of Time, fait que... C'est pour ça que moi, je ne l'ai pas choisi. Marilyn, toi, t'es-tu rendu à 7 points pour pouvoir choisir de quoi? T'as-tu envie de quelque chose? Malheureusement, je suis pas super... j'ai pas autant de jeux que vous autres, les gars. Donc, j'ai pas nécessairement beaucoup de points. Ça veut dire quoi, ça? Moi, je prends les points de jeux que ma blonde achète puis je les mets sur mon compte à moi. Oh, tricheur! Rétro-grimeur. Hey, c'est elle qui vient avec les choses, pas moi, là. Je t'arrive, il me manquait 50 points pour avoir mon sac de le sac étoile. Ouais. Fait que je vois une belle boîte, je me dis, je vais aller l'essayer. Je vais aller chercher. Le papier est là. Marie, elle va me regarder, puis elle est comme, hey, ça, c'est mes points. T'y touches pas. Moi, je suis comme, mais là, tu les utilises pas. Non, t'y touches pas. Je suis comme, OK. OK, c'est là. Pour un petit 50 points. Oui, le 50 points qui peut changer le monde. Comme là, je suis en train de garder mes points pour aller chercher le T-shirt. Fait que là, ça va me prendre une autre année pour aller chercher, mais je vais l'avoir. courage. Et parlant de T-shirt, les T-shirts d'Acro sont géniales. Alors, allez au magasin sur acro.com pour acheter les fabuleux T-shirts. T'en as-tu acheté un, toi? Je t'avais. Mm-hmm. Je t'avais. J'ai encore le mien, Marilyn encore le tien, puis je pense même rétro, il y en a un. Oui, je m'en suis fait un par erreur. Par erreur. Il était pas membre des accros avant, c'est ça le pire. Oui, je me cherchais un logo pour Rétro Gamer PQ, puis là, je me suis fait un t-shirt, puis c'était ce logo-là, puis après ça, j'ai vu le site, puis j'ai fait oh fuck. Ben, je suis sûr que tu regardes pas quand même. Non, c'est sûr, je m'en sers beaucoup. Alors, là-dessus, prochaine nouvelle. Y a un film de Assassin's Creed qui va commencer à être en préparation. Oui. Et l'acteur qui serait choisi pour faire l'assassin, ce serait Michael Fassbender. Et c'est pour ceux qui ne savent pas c'est qui, je pense que tout le monde ne sait pas à peu près c'est qui, c'est l'acteur qui faisait Magneto dans X-Men First Class. Ah, ouais? Ouais. Alors, on n'a pas encore une experte Shadix en Assassin's Creed. Mais j'imagine qu'elle doit être quand même contente de voir qu'il y a un film de Assassin's Creed qui s'en vient. J'espère que ça va être bien fait. Bon, moi, c'est pas Disney qui fait. Ouais, OK. Parce que c'est Disney qui avait moppé le Prince of Persia. Ah ouais, j'ai même pas vu ce film-là. Prince of Persia, il est assez... est-ce que je peux me permettre, sans censure, de dire c'est quoi mon opinion? Oui, sur le film de Prince of Persia. Ouais, si tu fais pas de gâcheux, c'est beau, là. Non, c'est ça, c'est horrible! C'est horrible! Ceci est... je vais tricher le film en une phrase. Ceci est un film à propos de Prince of Persia, puis le film, c'est une critique sur la guerre en Afghanistan! What the fuck? Wow, t'es tellement la meilleure critique que j'ai entendue. Je pense que tu aurais pu faire un 5 secondes critique. 5 secondes critique. Tu devrais peut-être le faire. Ouais, hein, tu devrais. Sérieusement, j'attends ça avec impatience. Après ta série de Metroid, là. Ça va dire que ça va être en septembre. Fait que peut-être que je pourrais peut-être tricher entre guillemets, puis. En essayant 5 secondes entre. Garde la surprise pour les accros. Comment? Garde la surprise pour les accros. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, laisse faire. Attends, on en parlera tantôt. Ok. Fait que sinon, à part ça, pour ceux qui aiment les jeux de combat, moi, personnellement, ouais, je suis un grand toi, de baston. Tu vas-tu te battre contre le Lich King? Ben, n'importe quand, amène-moi les ici. On va me faire planter, c'est pas grave. Alors, pour ceux qui aiment les jeux de baston, ben, il y a l'arrivée prochainement d'une compilation de jeux de baston qui s'appelle Marvel vs. Capcom Origin. Alors, vous allez retrouver dans cette collection-là Marvel Super Heroes et Marvel vs. Capcom Clash of Super Heroes. Le jeu va coûter 15$. Il va être disponible sur Xbox Live et PSN. Et pour ceux qui, finalement, aiment les bons jeux, vieux jeux de combat, là, vous allez adorer ça. Moi, c'est le premier Marvel vs. Capcom. C'est un de mes jeux préférés. J'ai vraiment plus aimé ça que le 2 puis le 3. C'est parmi les jeux les plus dynamiques de combat qu'il y a depuis les, quoi, on peut dire, les 10 dernières années. Les 15 dernières années, sérieusement. Là. Ouais, c'est ça. Sauf Killer Instinct, là. Moi, j'attends avec impatience le 3, là. Mais... Le 3, ça arrivera jamais, oublie ça. Je sais que ça arrivera pas. À cette heure, la compagnie fait des jeux merdiques, là. Le 3 quoi? Excuse-moi, j'ai perdu 30 secondes. Killer Instinct. Depuis que Rare appartient à Microsoft... Ça vaut plus rien. La compagnie fait dur, solide. Elle est rendue à faire des jeux de poule à Kinect. Effectivement, ouais. Mettons que c'est très, très décevant de leur part. Très décevant, oui. Ouais, ouais. Et en même temps, ils suivent les directives de la maison mère, hein? Oui, c'est un fait. Voilà. Je trouve ça dommage que, tu sais, la compagnie, tu sais, qui a un gros potentiel de créer des très bons jeux. Et qui l'a fait. Qui l'a fait, qui l'ont, en a fait des excellents. Depuis que ça appartient à Microsoft, ils ont quasiment juste produit de la merde, un petit peu plus bon, de la merde. Et je pense qu'ils peuvent même pas faire un Killer Instinct, mais s'ils voudraient le faire, parce que je pense que la licence appartient à Nintendo. D'où le problème avec... Depuis que Nintendo a cédé Rare, ça pose un gâchis de fou. Surtout sur les licences. Surtout avec GoldenEye, là, ça fait comme... La licence appartient à trois compagnies qui veulent rien savoir d'eux autres. Ouais. C'est vrai. T'as Activision qui a les droits sur la franchise James Bond. Ouais. T'as Nintendo qui a les droits sur la licence de GoldenEye au 64. T'as Microsoft qui a acheté Rare, le créateur de GoldenEye. Fait que si tu veux avoir, tu sais, comme quand ils ont créé le remake de GoldenEye, ils pouvaient pas refaire les mêmes tableaux parce que sinon ils risquaient de se faire poursuivre. Qui est enfantin. Mais c'est pas enfantin. C'est enfantin. Ben, c'est du. C'est parce que eux autres, c'est sûr, ils tiennent à leur propriété intellectuelle. Je m'attends à ça, c'est normal. Mais ils sont vraiment pas capables de travailler les trois ensemble pour créer un jeu. C'est une mine d'or. C'est une mine d'or. Tout le monde attend après ça. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Alors, bon, on va passer notre foudre sur d'autres choses. Les fans de Final Fantasy VII vont être quand même contents. Ah, ouais, justement, je voulais qu'on en parle de ça. Il y a une. L'ancienne version PC va ressortir sur PC. Eh oui, dans son état actuel. Pas de modification. Pas d'HD. Pas d'HD. Ça va rouler sur une machine de merde. Sérieusement. Les seules affaires qu'ils nous ont rajoutées, c'est. On va trouver des succès. Oh! Et un système de sauvegarde sur le cloud. Et une affaire qui appelle un character booster. Ça n'a pas été encore décrit c'est quoi. Mais je l'achète pas. Mais non, ça vaut pas la peine. Surtout que tu peux le trouver encore sur PlayStation Network comme il est là. À 10$. C'est ça. Bravo, là. Bravo, Square. C'est très très mauvais, sérieusement. Je suis déçu de votre part. C'est vraiment nul, c'est un méga fail. Effectivement. Epic fait le majeur. Oh oui. Tout proche de ça. Aïe aïe. Ça n'a pas de sens. Incroyable. Alors, sinon, à part ça, on a des nouvelles par rapport à Baldur's Gate. Baldur's Gate. Savez, ah, oui. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps, oui. Un remake qui ressort prochainement. Remake. Du premier. Oh. Baldur's Gate Enhanced Edition. Et la compagnie qui fait le jeu ne fait pas juste un remake. Elle va créer également du contenu téléchargeable pour le jeu. Donc, vous allez avoir des séries de quêtes supplémentaires qui vont être créées expressément pour la version la nouvelle version. Et le jeu est disponible sur PC et, pour faire plaisir à Rétro, sur tablette. Ouh, wow, sur tablette. Vous en pensez quoi, vous autres? Ben, sur tablette, je m'en fous, là. Mais un remake, c'est-tu vraiment un remake ou c'est juste un report avec des nouvelles affaires à la Final Fantasy VII? Là? Un remake. Total. Un total. Je ne sais pas s'ils vont utiliser encore les règles à 2.0, là. Puis ils vont peut-être utiliser les règles à 4.0, mais de ce que j'ai vu, c'était vraiment un remake de la série. Bon, parce que je vois un article ici qui dit qu'ils font le 2 aussi. Ah, peut-être qu'ils vont les mettre ensemble, je sais pas, je suis pas au courant, je te dirais. Mm. De ce que j'ai. Moi, j'ai hâte parce que c'est un jeu que j'ai tellement joué. J'ai encore la version CD à la maison, le 5 CD du premier. Ouais, ouais, ouais. Alors, Monsieur Nostalgique. Ben pour ceux qui veulent jouer sur Windows 7, vous pouvez aller sur GOG.com, puis eux autres qui refont des vieux jeux pour qu'ils marchent sur les systèmes actuels. Mm-hmm. Fait que si jamais il y en a qui le veulent, ils sont pas chers en plus. Fait que... Non, ça vaut la peine. Oui, ça vaut la peine. J'en ai acheté un maudit paquet. Faut faire attention à notre portefeuille quand on va là, parce que tu retrouves des vieux titres, puis là, t'es tout joué. Oui, ça, je sais c'est quoi. Moi, c'est avec... je pense que j'ai dû pas mal donner d'argent à iTunes là-dessus. J'en donne pas mal, je te dirais. Faut faire attention. Ça me coûte cher. Oh, oui, ça coûte cher, là. Puis aussi, hey, je me rends compte, là, depuis que j'ai Steam, là, j'en achète des jeux, ça n'a pas de bon sens. C'est durant les fêtes. Oui, mais c'est quand je peux dire, c'est facile d'accès, puis c'est quand même abordable. Fait, you know, c'est tentant à ce moment-là. Et là, tu te ramasses avec 30 millions de jeux que tu ne joueras même pas. Là. Ben, moi, j'ai fini Torchlight. Au moins, je suis content d'avoir acheté puis joué dessus. J'attends le 2 avec impatience parce que quand tu achètes le 2, ben, il te donne le premier. Torchlight encore? Oui, Torchlight. Oui, Torchlight 2. Ouais. Là, j'ai hâte de jouer au 2. Puis sinon, entre-temps, je joue encore des games de Battlefront 2, de Star Wars. Hey Big Ben, redonnez aux accros et ainsi qu'à l'ignorant petit antithèse, comment on fait pour s'appeler Torchlight? Alors, pour aller chercher Torchlight, il y a deux versions. Moi, je vous conseille la version Steam, parce que lorsque vous achetez la précommande du 2, il vous donne le 1 gratuitement. Donc, pour 20$, vous avez deux jeux de hack and slash qui sont très très bons. Sinon, je pense que vous pouvez également aller le voir sur le site de Torchlight lui-même. Je vais aller vérifier rapidement. Ils disent que tu peux te recommander sur Steam, en tout cas. Oui. Alors, sinon, pour ce qui est du premier, je pense que vous pouvez l'acheter également sur le site. Ah, puis il y a un démo gratuit en passant. Oh! Pour ce qui est du premier. Donc, si vous voulez essayer, si vous pensez aimer ça ou pas, vous pouvez télécharger le démo gratuitement. Puis sinon, vous pouvez l'acheter également sur le site. Bon. Ça vaut la peine. Merci beaucoup. Ça vaut vraiment la peine. Si vous aimez les hack and slash, là, c'est un jeu d'un must à voir. Puis j'en ai passé des heures là-dessus. Marilyn a dit que j'ai passé du temps de fou sur Skyrim, mais elle m'a pas vu jouer à Torchlight pendant longtemps. Alors... Marilyn, je pense que tu as-tu des nouvelles pour nous de ton bord? En fait, pour ceux qui trippent sur Hunger Games et qui veulent des nouvelles du deuxième film, j'ai trouvé des choses assez intéressantes. Il y a plusieurs acteurs qui ont été approchés pour certains personnages. Je ne sais pas si il y a beaucoup parmi vous qui connaissez un peu les livres. Pas encore eu la chance. Ben, ma blonde les a achetés. Ben, okay. Je les ai achetés plutôt. Prochainement. Là. T'as t'es acheté ou t'es acheté? Je les ai achetés. You. Sacrilège, c'est le contraire. Et le problème, c'est qu'ici, à Québec, des livres de Hunger Games en anglais qui sont pas hardcover là, sont très rares. Il fallait que je les commande sur Amazon.ca. OK. Enfin, bref, J'ai découvert qu'il y a deux acteurs qui ont été approchés et qui sont officiellement sélectionnés pour faire deux nouveaux personnages du deuxième livre, du deuxième film qui s'appelle Catching Fire. Donc, on a Philip Seymour Hoffman qui va jouer le rôle de Plutarch Evansby. C'est qui lui? Lui, il va remplacer celui qui animait les Hunger Games, le premier qui est décédé, qu'on présume qu'il est décédé à la fin. Okay. Ah, le réalisateur. Le réalisateur. C'est le deuxième réalisateur de la seconde saison des futurs Hunger Games. Je trouve ça étonnant parce que cet acteur-là, c'est quand même un acteur qui est du genre à jouer plus des films à la Oscar, gagner des Oscars. Mais là, c'est un spoiler, là. C'est un spoiler, mais l'annonce vient d'être officiellement ajoutée sur Internet. Sinon, à part ça, on sait que le tournage du deuxième film est officiellement fini. Donc, on risque de l'avoir début 2013. Le premier était sorti en quoi? En février? À peu près. À peu près, ouais. Fait que, ouais, ça aurait de l'allure. S'ils veulent refaire une sortie à peu près en même temps, ouais. Mais je trouve que c'est une très mauvaise date de sortir ce film, ce genre de film-là, au mois de février. Je pense qu'ils vont le repousser au mois de juin. J'ai l'impression qu'ils vont repousser ça au mois de juin. Oui, parce que c'est de plus en plus populaire, veut pas. Donc, mais d'un autre côté, le problème aussi, ben pas le problème, mais ce qu'il faut aussi penser, c'est le fait que est-ce que le film veut vraiment faire compétition au moment le plus hot de l'été pour encaisser un minimum au lieu d'encaisser un maximum en février? Parce que c'est souvent l'été que t'as les gens de films super-héros ou les plus gros blockbusters prévus. Moi, je suis d'accord pour dire Hunger Games serait capable de rivaliser avec même, admettons, pour argumenter, Batman The Dark Knight Rise. Personnellement, j'ai pas de gros espoirs pour The Dark Knight Rise. Peut-être aller voir au cinéma pour peut-être en faire un vlog, j'ai pas de gros espoirs. Parce que moi, en tout cas, pour ce qui est de mon cas, c'est sûr que s'il y aurait un bâton entre les deux, ce serait Dark Knight. Parce que j'ai tellement... Le deuxième film m'a tellement fait comme wow! Puis Marie-Lune aussi, elle peut dire, là, c'est comme ça a tellement été un film qui m'a changé la. Ben moi, juste le fait qu'il y a Anne Hathaway là-dedans. Ouais. Tu penses qu'il va y avoir une scène de casseur d'un bain de mousse? On sait jamais! Là? On sait jamais! Ah, ça se peut. Mais j'ai vraiment hâte d'aller le voir. Il y a une bande-annonce, mais pas une bande-annonce, c'est un making-of qui est sorti sur Internet aujourd'hui. En passant, si vous voulez aller voir, ouais, 12 minutes. Oui, je vais le mettre sur la page des accros. Mais c'est 12 minutes où on voit des images du film et qui nous explique un peu comment ils ont tourné ça. Okay. C'est vraiment cool, sérieusement. Pour ceux qui aiment Dark Knight, là, moi, sérieusement, c'est un film que j'attends avec impatience. Là, cette semaine, je m'arrange pour aller voir Spider-Man. De ce que j'ai entendu dire, Rétro, t'as vraiment trippé, toi? Ah oui, moi, j'ai adoré. Je trouve que ça... L'acteur qui fait le nouveau Spider-Man a bien saisi l'essence originale de Spider-Man des comic books. Le super-héros sarcastique puis qui trouve toujours de quoi de drôle à dire, même s'il est en train de se prendre une branlette d'en face. Fait qu'il serait meilleur que Tobey Maguire. Ah, oh, Tobey Maguire, c'est un emo, là, ça va de sens. Oui. Oui, mais encore là, je te disais, dans le Tobey Maguire, c'est parce qu'il était dirigé comme tel. Ouais, mais en tout cas, mettons que ça. Moi, j'ai pas aimé les trois films de Spider-Man, puis ça m'a changé mon idée sur les films de Spider-Man. Moi, j'avais été déçu par. Il y avait des aspects que je trouvais que Sam Raimi avait choisi qu'il aurait pas dû prendre pour ce qui est de la création du personnage, comme l'enlever totalement l'idée que c'est également un scientifique, Spider-Man. Tu sais, c'est un gars qui est intelligent. Sam Raimi, c'est plus un visuel que, si tu vois ce que je veux dire, un auteur. Il va plus se pencher, lui, sur comment ses plans caméra vont marcher, comment sa lumière va marcher, comment que ses tons vont marcher, que sur une bonne continuité face à l'histoire. Ça se peut fort bien. Toi, tu as eu la chance d'aller voir Antithèse. Tu parles de Amazing Spider-Man? Ouais, Amazing. Au début, non, pour dire la vérité, non, mais... Au début, j'avais des réservations parce que j'étais genre là, il repasse Spider-Man. Vraiment, il repasse Spider-Man. En fait, je lis plus sur ça. Là, je lis Ah, les, ça va parler des parents de Peter Parker. Ça risque de pas marcher, mais en même temps, ça m'intrigue. J'ai vu des posts du vilain dans le film, et j'étais genre là, ça fait longtemps que j'attendais que lui apparaisse. Si boire, m'en aller le voir. Je sais pas quand, mais moi aller le voir. Je te conseille fortement. On va y essayer d'y aller nous autres cette semaine, Marilyn et moi, pour aller voir Amazing Spider-Man. Ça serait. Hein? Là, je fais des beaux petits yeux. Ah, inquiète-toi pas, je suis convaincu déjà en partant, même sans les beaux petits yeux. Est-ce que Marie, t'as d'autres nouvelles également? Concernant Hunger Games? Oui, ou de geek en général. C'est toi qui décides. Je vais continuer dans Hunger Games parce que je trouve des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes d'informations. Entre autres, sur le fait que c'est pas le même directeur qui va avoir l'honneur d'être sur Catching Fire parce qu'il a refusé de faire le second. Ah bon, mais ça va être parce que le deadline était trop court selon lui pour faire le second film. Parce que puisque c'est un directeur qui aime prendre son temps puis vraiment fignoler ses choses, mais lui, il a décidé, garde, non, vous voulez avoir quelque chose de trop rapide pour moi, je vais laisser ça à quelqu'un d'autre. Et c'est le directeur Francis Lawrence qui y a été choisi. Je ne sais pas s'il est parent avec l'actrice principale, mais bon. Est-ce qu'on connaît un peu son travail? Qu'est-ce qu'il a fait comme film? T'es-tu au courant un peu? Pas vraiment, mais moi, j'ai jamais rien vu d'autre de ce qu'il a fait. Donc, il faudrait que je m'informe un petit peu plus là-dessus. D'accord. Fait qu'on va regarder ça prochainement. J'imagine que tu dois attendre avec impatience les nouvelles là-dessus sur McDormand. Je vais aller faire une petite vérification rapide de qu'est-ce qu'elle a fait comme film. C'est une réalisatrice qui a fait le Transformer 3. Je crois que tu trompes de personne, c'est Francis. Ouais, hein? C'est Francis Lawrence. Ah, ok, j'ai Francis McDormand. Ok. Francis Lawrence, ok. Excusez-moi, les accros, je fais une recherche entre temps pour vous dire un peu qu'est-ce qu'il a fait comme film. Alors, c'est un réalisateur américain. Ok. Finalement, il n'a pas fait grand-chose. Il a fait surtout des clips pour Justin Timberlake. Garbage, Britney Spears. Yeah. Ah, il a fait Constantine, par exemple, puis I Am a Legend. Ah, quand même, c'est resté. Ouais, ok, ouais. Respectable. I Am a Legend, t'es bon. Je donne un point pour I Am a Legend. Ouais. Constantine, l'avez-vous aimé, vous autres? J'ai pas eu la chance de le voir, mais ce que j'ai su, c'était quand même pas pire réussi. Vraiment, le trailer me paraît accroché. C'est parce que t'as également là-dedans, à ce qui paraît, j'ai pas vu le film, à ce qui paraît, c'est l'histoire est bonne, mais Keanu Reeves est mauvais. Ouais, c'est vrai. Keanu Reeves, il est mauvais. Je trouve qu'il donnait pas... Keanu Reeves, pour moi, il a toujours eu le même type de personnage tout le temps. Le gars dépressif qui a envie de se tirer une balle à la tête à chaque fois que tu le regardes à la télé. Alors, que dis-tu de Bill & Ted? Ben ça, c'est parce qu'il était jeune puis sûrement qu'il avait pris des substances illicites pendant qu'il était en train de tourner le film. Bogus! Sûrement. Mais, regarde, je dois avouer, ça doit faire 15 ans que j'ai pas vu Bill & Ted. Fait qu'il faudrait que je le réécoute. Ben, il y a de l'air, c'est vrai qu'il y a de l'air. Il y a de l'air gil du fait qu'il sourit toujours comme si c'était un stoner. Alors, je te l'accorde. Ben, tu sais, regarde, le meilleur exemple. Vous prenez le film Johnny Mnemonic. Oui. Vous prenez le film La Matrice. Oui. Puis vous prenez le film Constantine. C'est le même gars. Oui. C'est le même gars. Le même facial. La même faciale, les mêmes expressions, le même type de pensée. Juste pas le même linge. C'est ça. Puis encore, on peut quasiment dire que Mnemonic puis Neo dans Matrix. Je dirais Mnemonic puis John Constantine ont le même suit. Ouais, c'est vrai. C'est juste qu'il y en a un qui a un data jack dans la tête, puis l'autre, ben, il est capable d'invoquer des anges puis des démons. Alors, c'est mon avis personnel. Et tu la respectes. Oui. Alors, là-dessus, ben, je pense que ça a fini pas mal nos nouvelles. Non. Ben non. Avez-vous? Ben oui, j'en ai des tonnes. Ah ben, allez-y. Ben, tu veux-tu y aller avant, tu t'aides? Ben oui, parce que moi, j'en avais juste deux cours. pour pouvoir ensuite te permettre, toi, au cher rétro, de remplir les temps. Une des premières nouvelles, c'est le jeu sur PlayStation 2, Okami. Oh! Le jeu sur PlayStation 2, Okami, va être disponible prochainement sur la PSN. Oh. Alors, pourquoi je mentionne ça, c'est parce que c'était un des meilleurs jeux de PlayStation 2, mais les ventes ont été nulles. OK. Alors, maintenant qu'il est disponible sur la PSN, personne n'a d'excuses. Personne n'a d'excuses pour ne pas se le prendre? Pour ne pas se le prendre, effectivement. Ouais, mais regarde, j'ai pas encore d'excuses. Je devrais avoir la collection ICO puis Shadow of the Colossus, puis je l'ai pas pris encore. For shame. Et pour rester dans le... Ah, je prenais la cocaïne. Non, je sais pas c'est quoi le prix. Je l'ai cependant su, moi, faire un petit chat en même temps. Je l'ai cependant su par les auteurs de ThePandaAndTheBoo.com qui font une bande dessinée... The Panda and the Boobs? C'est ça que j'ai compris? Non, Boo. Boo. B-O-O. Ah, OK. B-O-O. Si c'était effectivement The Panda and the Boobs, c'est encore plus drôle. C'est plus drôle. Puis je serais sûr que si les auteurs m'entendraient présentement, peut-être qu'ils feraient un comic de ça prochainement. Je suis sûr qu'il ferait. Bref, Okami, je sais pas, je ne connais pas quoi les circonstances des prix pour Okami. J'assume que c'est 20$ puisque tu peux avoir God Hand pour 20$, tu peux avoir plusieurs autres jeux de PlayStation 2 présentement sur PSN, mais au prix de entre 15 et 20$. J'en ai pas encore vu à 10$. Ok. Ce qui m'amène à mon autre nouvelle. En cinéma, cette fois-là, on a enfin une date pour le film de Silent Hill Revelation. Oui, je suis sûrement le seul à qui ça intéresse. Moi, je te dirais que j'ai tellement été déçu par le premier que je suis comme fait, ça passe 200 pieds par-dessus de la tête. Là. Moi, j'ai juste joué à deux Silent Hill à la date. Là. Puis Marilyn, ben, il faut déjà que je lui fasse écouter d'autres films d'horreur avant. Comme Evil Dead. Oui, mais elle n'a pas aimé Evil Dead. Evil Dead, c'est un classique, là. Ben oui. Elle n'a pas aimé ça quand le mur pisse le sang. Puis que tu vois, le gars, il est comme aspergé de sang. Je trouve ça drôle. Ben, tu sais, je vais être capable. Je vous dis. Oui. OK. Je vais vous dire quelque chose en passant. Premièrement, moi et le sang, c'est deux très, très grands ennemis. OK? Je suis à peine capable de voir mon propre sang pisser quand je me fais mal, pour de vrai, là. Ou, fait imaginez d'autres personnes que je vois ensanglantées. C'est. Oh, mais c'est encore pire pour des murs, OK? C'est encore pire. Ben, c'est ça, c'est un mur, moi. C'est un mur, Marie. Le mur saigne. T'as qu'à faire penser que c'est de la confiture de fraises, je sais pas. Du ketchup. Ouais, genre, avec de l'eau dedans là, pour que ça coule plus vite. Mm. Ben là, je vais commencer, je vais y faire écouter des vieux classiques des films d'horreur, oui. Les vieux Dracula, Dawn les vieux of the Dead. Non, je vais y faire écouter Night of the Living Dead. Oui, l'original. L'original de Saint-Denis. Noir et blanc. Ouais, noir et blanc. Je pense que ça serait plus facile pour elle. Yes. Je commence. Marilyn va écouter des films d'horreur. Je vais vous le promettre. Oh oui. D'ici un bon 10 ans, oui, mais. Elle va être capable. On va peut-être même filmer ça pour mettre ça sur les accros, pour voir ses réactions. Ça serait le fun comme idée, non? C'est ça, elle, qu'elle veut. On le fait live, là, puis on met le film, puis en même temps, on fait... On fait un streaming sur Internet. En... C'est pas un streaming sur Internet, mais tu sais, des clips de 5 secondes. Encore là, je vous avoue que, entre guillemets, c'est une idée volée de... Ce que Brad Jones fait à une de ses amies, mais encore là, Brad Jones non plus n'a pas inventé la roue. Bref, pour finir avec Santos, la date de sortie du film est le 26 octobre. Bon. Au cinéma? Au cinéma. Et la seule affaire que j'aimerais. Donc, mon seul coup de cœur d'angoisse, c'est le 3D. Ah, arc. F you, 3D! F you! Ah, pas de trouble. Je pense qu'on a toutes la même pensée que toi, c'est de la cochonnerie. Sérieusement. On va y aller avec tes nouvelles rétro. Qu'est-ce que tu as de bon à nous dire? Écoute, je ne serais pas un fan de Skylanders si je vous parlais pas de tout ce qu'on sait maintenant sur Skylanders Giants. Effectivement. Alors, explique-nous donc c'est quoi. Et donc, après le 3, on a eu beaucoup plus d'informations sur la suite d'un de mes jeux favoris qui m'a coûté bien cher jusqu'à maintenant. Combien? On s'enligne dans quasiment 500$ là, au total. Oh, puis on dit que je suis fan de Loche, hein, mais la blonde de monsieur est fan de Loche aussi, malheureusement. Ben, pour c'est son portefeuille, là, on s'entend. Et moi, j'ai su récemment que pendant que Miss va au Loche, ben, monsieur va acheter des bonhommes de Skylanders. Eh oui. un savon Loche pour une figurine de Skylander. C'est un fair trade. Ben oui. Regardez-moi, c'est un vieux jeu PlayStation 2 à 10$. Puis arrivez là, on va chercher un gel douche à 30$. Donc, ils vont rajouter 4 à 6 figurines de nouveaux personnages pour les éléments actuels. Là-dedans, tu vas avoir 8 figurines qui vont être des Light Core Skylanders. Bon, ils vont ressortir les 32 Skylanders qui existent déjà. Jusqu'à maintenant, vous suivez? Donc, finalement, c'est les mêmes figurines qui te sortent. En fait, ils vont ressortir les 32 figurines actuelles dans des poses différentes. Wow! OK. Pour ça, c'est sûr que c'est pour le phénomène collection. Hein. Parce que moi, je n'achèterais pas le lot de format. Là, parce que là, dans ton service, là. Un autre 500$, ça va faire. Ah, c'est pas juste ça, là. C'est parce que là, t'achètes 500$ de figurines, mais là, faut que tu penses à les entreposer après. Ah oui, mais là, il n'a pas tant que ça, là. Il en a 32. Là. Donc, il faut qu'il passe chez IKEA, faut qu'il s'achète une coupe d'étagère. Non, il y a juste un bac de plastique, il y a tout ça là-dedans. Non, vous n'avez pas vu les accros, mais pendant qu'elle faisait ça, c'est parce que moi, je sais aussi que c'était un message pour moi d'aller chercher l'étagère IKEA pour mes jeux. Antithèse peut dire combien que mes jeux sont pêle-mêle. C'est une bonne idée, ça. Au point que c'est moi qui les ai classés. Ça, et la collection de Schtroumpf aussi, qui est toujours en place. Donc, je parlais des Light Core Skylanders. Donc, il y a 8 figurines qui vont être s'appeler des Light Core Skylanders. Ce que ça fait, c'est que quand que tu vas la mettre sur le Portal of Power, eh bien, ces figurines-là vont illuminer et faire ressortir tous les effets spéciaux visuels de la figurine. Donc, ils vont... Donc, des petites lumières. Ben, c'est ça, finalement. Mais il n'y a pas de lumière à l'intérieur. À moins que tu m'annonces que tu me rajoutes un produit dedans et ça fait un petit peu de brume, là. Il n'y a pas grand-chose d'autre que tu peux faire. Non, mais ça fait ressortir, mettons, tu as un Skylander de feu, là, comme Eruptor. Ben là, dans la bouche, là, son feu, au lieu d'être juste du plastique, ben il illumine toute la bouche au complet. Ça te donne un petit peu un visuel, là, je sais pas. En tout cas, ouais. Moi, je sais c'est quoi je parle. Moi, je ne sais pas par ajoute, là, parce que j'ai pas acheté le jeu. Là. Évidemment, le truc nouveau avec Skylanders Giant, c'est les nouveaux Skylanders qui sont des géants, ils ont deux fois la grosseur d'un Skylander normal et qui ont plusieurs pouvoirs de deux ou trois éléments en même temps et qui vont être nécessaires pour résoudre certains puzzles dans beaucoup des niveaux parce que, bon, c'est Skylanders Giant, c'est pas Skylanders petit. Hein? Donc. Et tes anciens Skylanders, est-ce que tu peux les utiliser dans ce jeu? Oui! On peut réutiliser nos Skylanders actuels pour Skylanders Giants. Et donc, tout ce que tu as sauvegardé sur chacune de tes figurines, les levels, l'argent, les power-ups, etc., vont pouvoir être réutilisés dans Skylanders Giants. Et on va étendre le level de ces personnages-là jusqu'au level 15 au lieu de 10 qui est présentement. Ça, c'est cool. Ça, c'est le phénomène cool. Donc, je vais déjà avoir toutes les figurines de base. Il va juste à me racheter les nouvelles figurines qui vont sortir. Les 32 nouvelles. Non, pas les 32 nouvelles. Non, je ne racheterai pas le même personnage deux fois. Je sais pas. J'ai l'impression que tu vas le faire. On verra. Oui, mais ça sert à quoi? Et regarde, si, dans le fond, pour que ça commence, habilite tes personnages que tu avais déjà. Hein? Il y a des bons différents. Qu'est-ce que tu dis? Ça sert à quoi que tu rachètes les mêmes personnages que tu as, mais sous d'autres pôles différents, comme tu dis? Mais... Ça, c'est pour les collectionneurs. Il y a des nouveaux pouvoirs? Ben, il va y avoir des... La série 2, dans le fond, c'est parce que les nouvelles figurines vont pouvoir avoir accès aux nouveaux pouvoirs, d'après ce que j'ai compris. Mais bon, ça, c'est encore ambigu pour l'instant, fait que je veux pas trop me prononcer là-dessus. D'accord. Parce que c'est ça qu'ils appellent la série 2, mais c'est pas seulement juste le visuel physique. Là. Quand j'aurai plus d'informations, là, je déciderai à ce moment-là si je vais me les acheter ou pas. ouais, fait que c'est ça. Tu gardes tes scanners présentement, tu peux les réutiliser dans le jeu, puis continuer à les leveler et les upgrader pour ce jeu-là. Il va y avoir une version 3DS, Wii U, PlayStation 3, Xbox 360, Mac, PC. Et non, pas pour la Vita. Parce que ça a l'air qu'Activision ne pense pas que la Vita va être quelque chose qui va fonctionner. Pourquoi je suis pas surpris? Tu m'étonnes. Et donc, c'est la seule console qu'il n'aura pas. Ce qu'ils vont faire présentement pour ceux qui ont déjà le Portal of Power, qui ont déjà acheté le kit original, eh bien, tu vas pouvoir acheter le jeu sans Portal of Power et le jeu avec le Portal of Power. Donc, le kit au complet avec le Portal of Power va venir avec deux Scanlanders normales qui sont un ancien mais qui est de série 2 et un Light Core, je pense, avec un Giant. Puis, ils vont sortir le jeu tout seul avec un Giant. Donc, probablement que je vais m'acheter celle avec juste le Giant. Puis, c'est pour ceux qui veulent commencer à jouer à ça, est-ce que tu le conseilles d'attendre le 2 ou de sauter dans le 1? Écoute, il a déjà commencé à baisser de prix au Walmart juste de 10$, là, mais et quand même. Mais ouais, quand même. C'est, au lieu de 69, c'est 59. Là, mais je suis sûr qu'il va rebaisser là, d'ici là, là. Sûrement, sûrement. Nouvelle dernière minute qui vient d'apparaître. On vient d'apprendre que le studio qui a fait Max Payne 3, Rockstar Vancouver, vient d'annoncer la fermeture. Aïe aïe! OK. Ça vient de sortir sur le fil de presse de Twitter. Ça vient de ça. Je suis vraiment étonné. Sérieusement, je ne m'attendais pas à ce qu'ils décident de fermer ça. Rockstar Vancouver. Oui. Mais Rockstar Vancouver, c'était pas justement une des principales offices de Rockstar, justement? Non, c'est Rockstar, je pense que c'est le core, où est-ce qu'ils font toutes les grandes têtes photos. Ouais. Rockstar Vancouver, je sais pas où est-ce qu'ils... Je savais pas que c'était un gros finalement ou pas. Me semble. Ouais. T'en as quatre gros, dont justement Vancouver. Ben, en tout cas, ils viennent de l'annoncer, Rockstar Vancouver, qui vient de fermer les portes. Alors, c'est vraiment dommage. Ben, ils ont été absorbés par Rockstar Toronto, ça là. Oh, OK. Ah. Fait que peut-être que ça devient une division où ben, les employés vont être transférés. Oui, ça a l'air que la plupart vont être transférés à Rockstar Toronto. Ah, OK. OK, bon, ben, on vient d'apprendre ça sur le fil Twitter. J'ai vu que c'était dans les tendances. Dommage, sérieusement. Ouais, on va voir qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire prochainement là-dessus. Sinon, est-ce que tu avais une autre nouvelle, Rétro? Oui. Je voulais juste finir sur ce calendrier. Oui, vas-y, vas-y. Bon, OK, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié ce que je voulais dire. Bon. Ça y est, tu parlais de Skylar Giant, tu parlais on parlait des personnages, d'avant que tu as parlé, c'était les prix. Le prix du premier jeu, Je suggère au monde d'attendre au moins un mois ou deux avant de penser à l'acheter, parce que de toute façon, il va continuer à baisser pour qu'il fasse de la place pour le 2 et ses séries de jouets aussi. Donc, attendez. Ça vaut la peine. Si vous achetez le kit, ben il y a la version 3DS qui n'est pas le même jeu que la version console. Quelle console tu proposes de jouer? Bon, écoute, c'est le même jeu sur toutes les consoles. Écoute, moi, je l'ai acheté pour la Wii, parce que j'avais pas d'Xbox à l'époque. Si j'avais eu une Xbox, je l'aurais acheté pour Xbox. OK. Juste de même. Là. J'imagine le monde qui a une PS3 et une Wii vont l'acheter pour PS3 parce qu'il est plus beau. Là. Est-ce que tu sais si le jeu est prévu pour Wii U? Oui, il est prévu pour Wii U. Oh, OK. Puis il est déjà disponible pour précommande. Ah, super, d'abord. Fait que moi, c'est déjà fait. J'ai juste vu Skylanders sur Wii dans les magasins. Ah ouais? Ben, il y en a eu. Bien joué pour les figurines. Hein? Bien joué pour les figurines, mais j'assume que les figurines, c'est compatible pour toutes les consoles. Puis même le portail que tu as pour ta Wii est compatible avec la Xbox, puis PC, toute l'équipe. Fait qu'il n'y a pas de problème avec ça, là, si jamais t'en perds. Ah, ben, c'est bon d'abord. Puis même le mini portal que tu as le 3DS est compatible avec toutes les consoles aussi. Ah ben. C'est bon. Fait que c'est bon là-dessus. À part ça, quelle autre nouvelle? Eh bien, il y a la Cour européenne qui a décidé que les acheteurs de jeux downloadables pouvaient revendre maintenant leurs jeux. Oh, pelaï! Les compagnies ne doivent pas être contentes! Non, puis moi, c'est ça qui me faisait un petit peu chier avec les jeux downloadables, c'est que ça enlevait aux consommateurs des options de revente que tu peux faire avec tes jeux physiques. Mm-hmm. Donc, l'Europe a décidé que si on pouvait faire ça avec un CD, un jeu, etc., normalement, faire le revendre à quelqu'un quand on n'a plus besoin, on devrait être capable de le faire avec un jeu downloadable. Et donc, ils ont statué que toutes les compagnies de jeux devaient se plier à cette exigence. Et donc, j'imagine que Steam et Twitter vont trouver un moyen de prendre une cote sur la revente du jeu ou je ne sais pas quoi, là, mais on verra à ce moment-là. J'aimerais bien sûr que ce genre de loi paraisse en Amérique du Nord. Ça n'arrêtera pas. Ça n'arrivera pas. Ça... Et, je sais pas. Parce que... notre gouvernement, non. Et... Je sais pas. Je sais que ça commence à se parler aux États-Unis. Ben, déjà qu'ils veulent nous mettre plein de barrières dans les roues, à ce que, tu sais, comme la loi C-32, je pense. 38 pour ce qui est des l'utilisation de copyright puis tout ça. Ils ont bien. 38 et 11, ouais. Oui, mais là, ils viennent de statuer aussi au Canada que les compagnies ne peuvent pas charger des taxes sur des jeux digitales et des films. Ça, c'est au moins. Ben, quoi que je m'attends à ce qui va se passer. Ils vont chialer, ils vont remettre ça. Oui, c'est sûr. Je sais pas si vous le savez, lorsque vous achetez un livre, vous ne payez pas à TVQ. Non, effectivement. Vous payez juste la première taxe. Ben, ça a l'air que ben du monde qui ne savent pas ça. Et le monde pense qu'ils payent les deux taxes dessus. Non. Non. C'est une initiative justement pour encourager les gens à acheter des livres. Ben, ça a l'air que Québec penserait peut-être à remettre la TVQ. Ce serait sale. C'est un libraire que lorsque j'ai acheté, j'allais à une librairie récemment avec Marie-Lune. Puis le libraire, c'est ce qu'il nous a dit. On dit à tout le monde qu'en quoi vous ne payez pas la TVQ parce que le gouvernement pense à vouloir la remettre. Ok, mais je ne savais même pas. Mais c'est ça. C'est pas ben de monde qui savent ça. Moi, je trouve ça ridicule dans le sens que il y a de moins en moins de monde qui vont aller vers les livres papier puis vont aller vers l'électronique. Puis ça pourrait encourager dans un sens les gens à aller vraiment revenir vers la lecture normale et non l'électronique. Puis le gouvernement veut empêcher ça. Personnellement, étant une geek et une grande lectrice qui aime beaucoup les livres papier, je trouve ça très, très ridicule. Effectivement, je trouve que c'est vraiment plate de la part du gouvernement. Fait que donc, parlez-en, dites-leur au monde que ceux qui achètent des livres, comme quoi vous ne payez pas à TVQ, là, puis arrangez-vous pour pas en avoir. Là. Spread the news! Parce que veux pas, c'est 2-3 piastres que vous perdez de vos poches. Pour ça, j'ai d'autres nouvelles comme Activision qui sort un jeu de Walking Dead shooter. Oh! Est-ce que ça va ressembler à Zombie U? Non, ça va être un shooter. Ok. À la Call of Duty. Dans le sens, première personne ou troisième personne? Un shooter FPS, là. Ok, trois personnes. Bref, une affaire qui n'a pas rapport finalement. Là. Parce que Walking Dead, ça n'a jamais eu rapport aux zombies et à l'action. Non, c'est les relations humaines. C'est les relations humaines, puis comment voilà. Les gens survivent à travers ça. Ça n'a jamais été un truc d'action. Puis même s'il y en a de temps en temps dans BD puis dans l'émission TV, c'est pas ça la chose principale. Non. Et, en tout cas, personnellement, je trouve qu'Activision. Ils veulent essayer de se faire une petite passe de cash à la franchise de Walking Dead en faisant un shooter de zombies. Effectivement. Parce que le monde savent que c'est de la mode en ce moment, c'est les zombies. Ben oui, les zombies, il y en a partout. À ce temps, t'as les gâteaux versus zombies, t'as les muffins versus zombies, t'as les fries versus zombies. Les plantes. T'as tout à ce temps versus zombies. T'as regardé juste sur Android Store ou ben, sur iOS, puis il y en a des millions. Là, oui. Ça n'arrête plus, là. Puis, moi, je trouve que tellement les zombies ont été rendus tellement plus commerciales que l'intention primaire du zombie de montrer que la société, finalement, fait qu'on est quand tous des zombies. Là. Ben ouais. Il y a une image qui est sortie récemment sur Facebook, je ne sais pas si vous avez vu, c'est les zombies à travers les âges. Où vous voyez la première image, c'est les films de zombies des années 60, 70, 80, 90, 2000. Vous avez la version Dawn of the Dead 2010, puis 2012, c'est tout le monde qui sont sur leur cellulaire. OK. OK. Oui, je l'ai vu, je l'ai vu. Je trouvais tellement que c'était vrai, ça, là. Fait que non, je suis même avec toi là-dessus, je trouve ça vraiment plat. Je ne sais pas si ça va être bon pareil. Il faudrait juste penser peut-être que c'est pas la série de. Ça n'a pas rapport, mais en rapport avec Walking Dead. Là. Ouais, ça, je sais que ça va avoir rapport avec Daryl, puis c'est pas mal ça, les deux frères. Là. Ouais. C'est pas mal juste ça. Avant okay. qu'ils se rencontrent, avant la série TV. Là. Ça va être basé sur la série TV, d'après moi. Ok. Puis, sinon, à part ça, t'as-tu une autre nouvelle? Oui, juste pour remonter, rabaisser un petit peu à Apple. Go! Go! Vas-y, je pense que tu regarde, Rétro, toi, t'es un vendu de Samsung, moi, je suis un vendu d'Apple. Ah, mais sauf que je suis capable de reconnaître quand que Samsung fait de la merde. Moi, je suis capable de reconnaître quand Apple font de la merde. Moi, j'en connais des Macers à Jobs qui sont pas capables. Ils sont pas capables de faire quoi que ce soit de négatif d'Apple. Et personnellement, même moi, en tant que, entre guillemets, vendu d'Apple, c'est ça qui m'écœure d'Apple. C'est qu'il y a des Macers qui sont pas capables de reconnaître les faiblesses et les méfaits de la grosse pomme. Je suis d'accord avec toi. On en connaît un, Marilyn et moi, un Maceux qui ne jure que par Mac, puis que dès qu'on parle de PC, GS. Mettons que lorsque tu parles de PC, il te regarde avec des gros yeux, puis... Ben, en tout cas, il y a un juge en Angleterre qui s'est mis du côté de Samsung concernant les batailles de patents et a dit que Apple avait aucune raison de poursuivre Samsung pour aucun patent, que c'était complètement ridicule et qu'est-ce qu'ils essaient de faire aux États-Unis, ça ne marcherait pas ici et que Apple devrait aller refaire ses devoirs. Le juge a totalement raison. Et oui. Ben, c'est tellement compliqué ces histoires-là de brevets que sérieusement, c'est parce qu'ils se battent pas juste en un seul pays, ils se battent partout. Fait que ça risque de bloquer à une place, ça va pas bloquer à l'autre. Ah, c'est le bordel. Fait que je suis bien content qu'Apple perd des batailles comme ça, comme récemment avec Motorola, etc. Là. Sauf aux États-Unis, là, ils ont. La cour dit à Apple que Samsung ne pouvait pas vendre leur Galaxy Tab, là, mais à un moment donné, on verra comment ça. En tout cas, les batailles de patentes, là, c'est ridicule. Là. Sérieux, là, c'est... Effectivement. Moi, je peux inventer là, présentement un patent, là, genre mettre mon doigt sur une vitre qui fait un effet d'écrasement, ce qui laisse une trace de gras, etc. Là. Puis, ah non, c'est déjà... concept de la mort. Là. C'est déjà profité, parce que tu peux pas. Ouais, c'est vrai. T'sais, puis là, faire juste un patent, mais rien inventer, puis envoyer ça au Patent Office, puis après ça, poursuivre le monde qui ont fait l'idée que j'ai écrit, tu sais. Mm-hmm. Effectivement. Moi, je dis ça va à l'encontre du marché libre. Ouais. Hein? J'ai dit ça va à l'encontre du marché libre. Ah oui, c'est à l'encontre du marché libre, puis je pense que imiter ses compétiteurs, ça va de soi dans un marché libre. Ouais, effectivement. Pas juste ça, c'est ça qui fait également avancer. Rouler la compétition. C'est la compétition, c'est ce moment-là de trouver quelque chose de meilleur. Ben oui, c'est ça. C'est à toi de trouver une nouvelle innovation, puis c'est ça. C'est plein à dire, mais. Effectivement. Sinon, pas ça, est-ce que tu as d'autres choses? Non, j'ai plus d'autres nouvelles. Ok. Oh. On va prendre une petite pause pour pouvoir prendre un verre d'eau. C'est une bonne idée, ça. Et pour vous préparer à la saga Metroid que notre ami PL nous prépare, je vous présente une version du thème de Metroid Prime faite par le groupe de musique Metal Metroid. Elle est écœurante. Elle est très, très bonne. Alors, on vous laisse sur cette pause et on revient dans quelques minutes. We'll be right back. Hi, I'm Kyle Hebert, the voice of Teen Gohan from Dragon Ball Z. You're listening to the Podcast de Aquarelle with Big Ben, and reviewer CE. La musique de Metal Metroid. I'm Batman! I'm Batman! Alors, c'est un insight qu'on a fait pendant la pause. On sortait, on imaginait un film de porno Batman avec l'image qu'on a en ce moment de la série Batman de Christopher Nolan. Fait qu'on voit tellement Batman en train de. On voit tellement Batman en train de sortir des affaires comme Suck My Batman. C'est pas une voiture, c'est un lido. Ce n'est pas une voiture, c'est un jacuzzi. Non, ce n'est pas ma femme. Tu vois pas qu'une grosse barbe. On dérape. En passant, si vous voulez voir vraiment une parodie de Batman en film de 3X, il y en existe un, hein? Oh, sûrement. Ça s'appelle Batman a Spoof Story 3X. Ok. C'est fait comme la série des années 60. Puis, le plus drôle, c'est que le réalisateur, il aime tellement la série Batman. Il s'est arrangé pour peut-être deux versions du film. T'as la version 3X avec les scènes de cul pis tout ça, mais t'as aussi une version censurée, il n'y a pas de scène de cul pis ça fit. C'est vrai. Le pire, c'est que je pense que Cinema Snob en a fait la critique. Ah, ça, je sais pas, je voudrais que je la regarde. Mais moi, je l'ai entendu des Mystérieux Étonnants pis je suis tellement parti à rire. De quoi? Je pense que je vais le louer à un moment donné, puis je vais le critiquer aussi. Je pense que je suis willing de le faire. Je suis jamais au défi de le faire. Les yeux à Marilyn. Oups. C'est ça que tu vois qu'il va le faire. Non, mais c'est pour la cause. C'est pour le divertissement. Ouais, c'est ça. Pour le divertissement des autres. C'est moi, moi, moi. Comme ça, on va avoir eu la critique du film original des années 60, grâce à Review RCE, pour moi. Et on va avoir la parodie. Yes! Ouais, comme moi. C'est ça. Ouais, on va dire. Sérieusement, on a dérapé en maudit. Mais c'est pas... Alors, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de thème. On va surtout jaser. De ce qui se passe derrière moi. Mais avant tout, j'ai demandé aux gens s'il y avait des questions. Et j'ai une question qui a été tirée sur notre forum. Alors, on va remercier Kevin TMNT qui nous a posé cette question-là. Et je vais la poser à chacun des membres. Et je vais commencer avec Marilyn. Marilyn, quel film de super-héros a réussi à rester le plus fidèle à sa bande dessinée? Wow! OK, moi, j'ai vu les films, mais j'ai jamais lu les BD. Fait que je peux pas faire de comparaison comme telle. Mais je peux vous dire un peu la série de films que j'ai le plus aimé, ça peut être ça. Je dirais, moi, celle qui m'a le plus marqué, je dirais, c'est les Spider-Man. Ouais, c'est vraiment celle-là qui m'a le plus accroché. Ben, je sais pas, c'est les seuls que j'ai vu les trois, puis que j'ai vu l'évolution vraiment de l'acteur, je sais pas. Ça m'a comme plus accroché, je sais pas trop pourquoi, on dirait que ça m'accroche plus. Tu vois, ça me surprend. J'aurais m'attendu à ce que tu dises les Batman de Tim Burton. Ouais. Mais, moi, les films de Tim Burton que je vais le plus aimer, c'est pas nécessairement les films de super-héros. C'est vraiment les films qui sont un petit peu moins connus. Donc, c'est pour ça. D'accord. Alors, je vais poser la question à Retro Gamer. Quel film de super-héros a réussi à rester le plus fidèle à sa bande dessinée? C'est ça ma réponse. Oh! Joie? Mais c'est parce que c'est trop. C'est vague, hein? C'est vaste. Il y en a tellement, hein? Puis, tu sais, je veux dire, je peux pas vraiment donner de réponse à ça. Ok. Puis toi, Tite, es-tu capable de dire quelque chose là-dessus? Je te dis, je peux en avoir long à dire, fait que moi, c'est quand même de raccourcir mes pensées. On parlait justement du film de Tim Burton, des films de Tim Burton. Tim Burton a quand même fait une bonne job pour ce que c'est. Tim Burton, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a recréé dans ses films, l'ambiance des bandes dessinées, pour en faire ensuite une histoire originale. Mais en même temps, il a combiné une série d'histoires parce que c'est la mafia. C'est des gangsters qui ont tué les parents de Bruce Wayne. C'est pas forcément Joker. C'est aussi l'affaire. Il y a tellement d'histoires sur qui est Joker, qui était Joker, que c'est ouvert aux suggestions de ce qui peut être vraiment. D'un côté, t'as l'interprétation originale de Bob Kane qui était... C'est un noir comme ça. D'autres interprétations, je parle de Grant Morrison qui disait, mais c'est Grant Morrison, je suis pas sûr, qui disait que c'était un gangster, ce qui était retransmis au film. T'as Alan Moore, qui lui, c'est le plus intéressant. Lui, Alan Moore, il arrive, il dit « Le Joker, c'était un perdant perpétuel qui était un ancien chimiste, mais il sacrifie sa carrière de chimiste dans les plans de Gotham pour devenir un stand-up comique, mais il foire toujours ses coups. » Mais aussi dans The Killing Joke, c'est le seul qui vraiment va évoluer sans son origine. Son Joker. Qui devient de Joker. C'est très intéressant. Fait que je vous recommande, pendant que je suis, Batman The Killing Joke. D'après la même ordre d'idée des films qui est assez fidèle au BD, croyez-le ou non, les premiers X-Men. Ah oui? Les premiers X-Men, parce que X-Men, c'est comme Batman, vu que c'est au-dessus de 50 ans de bande dessinée, c'est facile à ce moment-là de prendre du matériel à gauche, à droite, puis de condenser ça. Ce qui est pourtant le contraire avec, admettons, Daredevil. Daredevil, dans le fond, c'est une mauvaise copie des films de Batman de Tim Burton. OK. Parce que... la grosse révélation, gros punk. Je m'en fous, honnêtement, de spoiler un avec comme Daredevil. Que c'est Bullseye qui a tué le père de Matt Murdock. OK. Genre, ouais, non. Dans Daredevil aussi, c'était des gangsters, mais c'est parce qu'ils ont vrai... Daredevil, ils ont rippé off et Batman, puis The Crow. Il y a aussi, c'est vrai, merci, j'ai dû penser, la BD de Crow. Juste que le film de Crow, c'est moins sombre. Elle est vraiment moins sombre que la BD. La BD est plus gothique. OK. Mais elle réussit quand même. OK. Ben, je vais y aller de mon bord pour ce qui est du film de super-héros qui est resté fidèle. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est Retour Gamer qui est pas d'accord avec... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je sais pas, j'entendais des tuk tuk tuk tuk. Non, c'est parce que je checkais mes transformers. Ah, ok. D'accord. moi, j'irais surtout avec, je te dirais, les... Ok, c'est pas un film, c'est des courts-métrages. Mais je dirais que les courts-métrages de Superman des frères Fletcher, je trouve quand même qu'ils ont une authenticité unique comparée avec la BD. Surtout qu'ils ont... Les courts-métrages des frères Fletcher. Oui. Les premiers dessins animés de Superman. Les années 40. Les vieux? Oui, les vieux, les années 40. Vous pouvez les trouver sur YouTube sans problème, là. Puis sérieusement, là, moi, je trouve que quand tu regardes ça, là, c'est vraiment l'essence même de Superman qui était à l'époque. Pis c'est même eux autres qui ont proposé à DC Comics dans le temps de faire que Superman vole. Parce que c'était plus facile de dessiner Superman qui vole que Superman qui saute un immeuble. Parce que dans le temps, Superman, tout ce qu'il avait comme pouvoir, c'était pas voler, c'était de sauter aussi haut qu'un immeuble. Okay. Parce qu'il avait quand même la super force, il avait le reste, mais c'était pas un grand volant. C'est ça, il volait pas. Fait que c'est grâce au frère Fletcher que ça lui a permis de voler finalement. Alors, c'était pour moi mon film que je trouve qui est fidèle à sa bande dessinée. Et Ty nous a écrit des petites nouvelles. Je vais prendre celle qui est plus intéressante par rapport à Sailor Moon qui fait un retour pour fêter son 20e anniversaire au Japon. Je suis pas un grand fan de Sailor Moon. Je pense pas que ça a été une grosse héroïne pour nous autres, là, mais en tout cas. C'est que faut quand même admettre qu'en Amérique du Nord, c'est Sailor Moon qui a introduit, ou plutôt qu'en fait, il n'a pas introduit le jeu, mais qui a popularisé différence extrêmement majeure du concept du Magical Girl. Ouais. Parce que je pense que Manu va être d'accord avec moi. La vraie Magical Girl par excellence, pour nous autres les Québécois, au moins nous autres les Québécois, c'est Minifée. Minifée! C'est pas Sailor Moon. C'est Sailor Moon avec des concepts intéressants. Le problème, c'est que l'animation. L'animé est très, très, très, très, et a toujours été très, très, très watered down. Et en Amérique, ça a été hyper bastardisé. C'était hyper bâtardisé. Ben, moi, tout ce que je regarde. C'est le jeu, mesdames et messieurs, mais c'est ça qui est ça. C'est l'anime est hyper bâtard. Tout ce que je regardais de Sailor Moon, moi, c'était la scène de transformation, après ça, je changeais de poste. Et voilà. C'est tout ce que j'avais. Écoute, t'économises un temps fou de production avec les scènes de transformation. C'est sûr que c'est pour les réutiliser, voyons donc. C'est un fait. C'est un fait. Puis... Les scènes qui durent 30 minutes, là. À peu près. C'était long. Oh, ouais, moi je m'en souviens. Égossant. Ouais. Je pense que je parle pour tout le monde, même pour les filles, en disant qu'on préférait toute la transformation de Actarus dans Goldorak, c'est le monde. Au moins, Actarus, c'était direct, il n'y avait pas de niaisage, c'était pas un striptease, puis il y avait une transformation. J'espère que c'était pas un striptease. moi, je t'avouerais que sérieusement, là, j'attends que le coffret sorte de Goldorak. Tu pensais te dire, j'attends que le coffret de Sailor Moon sorte. non, c'est vraiment pas moi. Mais c'est que moi, j'essaie de les suivre. Je sais qu'il y a quelqu'un sur TAC Télé qui a tout posté les Goldorak. Mais je suis comme pas capable de le regarder sur un écran. Faut vraiment que je l'écoute dans mon salon pour pouvoir apprécier vraiment. Mais là, c'est comme les vieux Batman aux États-Unis. Goldorak, c'est une grosse bataille sur les droits. Oui, effectivement. À cause qu'il ne vient pas tout seul. Il vient en gang de 6, je pense. 6 autres séries de dessins animés que nous autres, on n'a jamais écouté. Oui, je pense que c'est la cinquième saison des Grandizer. Ça se peut, oui. Dans la Grandizer Z. En tout cas. Moi, j'ai aucune idée de quoi vous parlez. On parle de Goldorak. OK. Mais en tout cas, pour vous dire comme quoi que je vais attendre que ce que la série sorte. Peut-être que ça va être une bonne série que j'écoute. Écoute, j'ai adoré. Comment ça s'appelle? Albator. Ah, ben oui, Albator. Albator. Ça fait trop longtemps. Je ne connais pas les paroles. Albert, non, tu ne connais pas les paroles. Moi non plus. De Baborati. Je connais pas les paroles. Parce que je suis Batman. Ça t'élue solide. Batman, t'es dégueulasse. C'est parce que le pire, c'est que la version que Christian Bale a de Batman fait tellement sortir la gorge. J'imagine, en fin de journée, il fait comme... Plus capable de parler. Il est plus capable de parler souvent, là. Puis... Pourquoi t'es plus capable de parler? Parce que je suis Batman! Ça ne tentait pas, je sais pas, au moins. Christopher Nolan aurait tellement pu sortir une autre idée. Tu sais, comme par exemple, je sais pas, sortir une bébelle qui fait changer sa voix, tu sais. Écoute, t'as Kevin Conroy des animés de Batman des années 90. Lui, il a fait un job remarquable. Il était capable de distinguer la voix de Bruce Wayne à Batman. Puis t'aimais ça. C'était pas harcelant. Mais c'est pas pour vous autres. Je trouve la voix de Christian Bale harcelant en ce qui concerne Batman. Mais en même temps, comme vous pouvez le voir, ben ça fait des beaux sujets de gag. D'ailleurs, l'antithèse. Je suis Batman! I'm gonna kick your ass! C'est ça. À peu près. Well, Betsy, it's been a fun ride. Oh, wait, you're a retro gamer PQ. Hey, écoute, si jamais. And you spell PQ too! Pardon. Ah, mais Mark Hamill s'en vient à Montréal pour le. Comment ça s'appelle? Le Fantasia. Il présente un film à Fantasia parce qu'il a tourné un film d'horreur dernièrement. Fait que si quelqu'un est capable d'aller chercher une petite 5 secondes de lui qui rit de Retro Gamer PQ, je pense que j'y envoie un cadeau. OK. T'aimerais pas ça avoir Mark Hamill qui te rit dans la face avec la voix de Joker, non? Ça serait cool. Tant que c'est well, pas moi le cadeau, c'est pas pire. Well, Fly, my boy, it's been fun and it's been a fun ride, but I gotta bail. No laugh this time. Non, toi, Marie, il faudrait plus que tu fasses une voix. Comment qu'elle s'appelle la blonde à la blonde à Joker, comment qu'elle s'appelle? Harley Quinn. Après, fais une voix d'Harley Quinn. Une petite voix de blondinette là qui. Oh mon Jody! Maman, il faut que j'aille voir mon petit Joggy Chou. Quelque chose. Ah ouais, elle demande tout le temps dans ses. Ouais, je trouve que tu fais une bonne job. Ah, fait. J'ai toujours voulu travailler ma voix pour faire des boutiques. Hiya, oh, yeah, pudding! Hey, on déraille solide là, dans cet épisode. Je pense que. Il n'y a pas d'alcool, les accros. C'est ça le pays, là. Non, il on est. Pas besoin d'alcool, ça du fait. On est sous à l'oxygène. On est sous à l'oxygène, oui. Il n'y a pas d'alcool cette fois-ci. Ah, la prochaine fois. Oh, shot! On verra. Attention, hein, on se souvient des lives qu'on a tournés, CE puis moi, où est-ce que on était pas mal. On commençait à être pacté, surtout CE. Où tu y jasais de quoi, là, puis il était comme, hein, quoi tu parles, ouais? Et vous s'en posait de plus en plus dans le divan. Oui, effectivement, c'est vrai. Et que je m'avais acheté, j'étais quoi, une caisse de 12? Non, une caisse de 6, puis que j'avais bu une bière là-dessus, CE en avait bu 5. Il n'a pas payé pour. Ah, non, moi, je fais... On l'aime pareil. Quand vous venez au quartier général des accros, je donne tout, moi, sauf mes jeux. Oui, quand j'invite c'est du vrai. Monde chez nous, c'est moi qui donne la bière. Tout ça. C'est j'ai... ça. C'est je vais pas payer le monde. C'est vrai. Fait que, ben, sinon, à part ça, qu'est-ce qu'on pourrait bien jaser les accros? Parlant de live, tu avais déjà mentionné qu'il était compté pour avoir un live, nous les accros. Oui. Est-ce que tu planifies encore de faire cela? On va essayer de le faire prochainement. On va en discuter après l'émission pour voir comment on pourrait peut-être arranger ça. Parce que, veux pas, notre cher Retro Gamer va descendre de Québec bientôt pour le Comic Con. C'est une affaire que je voulais pas discuter, tant qu'à y être. Retro, à Québec aussi, t'as des événements ou des conventions geeks, non? Ben, je sais pas, j'ai pas vraiment suivi à Québec s'il y en a. Là. Ben, je sais, t'as quatre... Des grosses comme à Montréal, il n'y en a pas. C'est non, oublie la grosseur. Est-ce qu'il y en a ou il n'y en a pas? Il doit sûrement en avoir, mais comme je suis bien occupé mon travail et les affaires travail et syndicat, j'ai pas full de temps d'aller là. Bon, de même. Non, mais sérieux, c'est une bonne question. Je pense que je vais me pencher sur cette question et faire un fart. Dans le fond, je dis ça parce que quand même, c'est chiant, c'est un petit peu chiant pour les gens à l'extérieur qui doivent se taper des centaines et des centaines de kilomètres pour se rendre à Montréal pour mettre, admettons, comme toi, exemple, pour le pas le Geek Fest, mais le Comic Con. Mm-hmm. Si pas peut-être quelque chose d'équivalent, mais admettons de différent à Québec. Moi, je suis sûr qu'il y en a, mais c'est juste de savoir. Ouais, mais je pense que c'est vraiment des. Petits événements niche, là, vraiment. Je sais que Capi Kimono, que notre ami JP Cardin s'en occupe. Mais à part ça, je ne suis pas bien au courant de ce qu'il y a de Québec. On pourrait demander à nos amis de Québec. Ben, en fait, je sais que l'Imaginaire, une des plus grosses boutiques d'anime, de comic book, puis etc. Là, mm-hmm. À Québec, ils font souvent des événements. Comme des fois, ils font des soirées cosplay, puis plein d'affaires. Ah! Ça, c'est intéressant. Mais c'est ça, nous, les accros, on va probablement cette année, on sera peut-être pas à l'Otakuton. On regarde peut-être plus pour aller au Comic-Con cette année. Ben, on sera pas on n'aura pas l'invitation de comme étant la presse, parce que veux pas, la presse, pour être attitré presse là-bas, faut quasiment avoir un site internet gros comme une corporation québécoise, là. Mais on va probablement s'arranger pour être là cette année. Ben oui. Puis probablement qu'on, si on est capable d'arranger un live quelque chose de même, ce serait dans ce temps-là. Mais il reste à discuter entre nous autres, voir qu'est-ce qui va se passer côté ce côté-là. Ça demande planification, ce genre de truc-là. C'est ça, c'est de la planification, parce que veux pas, c'est pas tout le monde qui habite dans le même coin. Moi, je suis chanceux. À côté de chez nous, on a Dark et Rivière CE qui habitent proche de chez nous. Mais on a quand même Antithèse qui habite à l'autre coin de Montréal. Qui est fin en passant, venez nous avoir donné un coup de main pour le déménagement. Merci encore, Antithèse. Et plus, tu savais que c'est que moi, j'avais en soirée. Oui, toi, t'avais un show, je pense, en plus. Et voilà. Mais c'est ça, c'est de la planification pour qu'on s'arrange à faire un get-together, mais on va sûrement s'arranger quelque chose pour d'ici début de printemps. Pas début printemps, début automne. Ça pourrait être intéressant de faire quelque chose du genre, je dirais, pour le cinquième... Non, le quatrième année. Troisième année. Ça va trop vite. Troisième ou quatrième année, Ben? Troisième. Le troisième des accros, ça pourrait être quelque chose d'intéressant aussi. Ouh. Mais c'est ça, on a en plus... on va avoir peut-être un live encore cette année, mais vu qu'on a découvert Blog TV, qui permet de faire du chat en direct avec des accros, peut-être qu'on pourrait s'arranger... pour faire des caméras, qu'on soit ensemble en même temps vidéo live. On regardera ça. Parce que le fun avec Blog TV, moi je l'utilise pour mes propres lives dans une autre vie de YouTubers. Et ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on peut avoir plus... Ah? Patent body work. Mais ce qui est le fun avec ça, c'est que... Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Et je vais expliquer le concept de Blog TV. C'est que, dans le fond, ce qui est le fun, c'est qu'on peut avoir plusieurs caméras en même temps, puis avoir plusieurs personnes qui parlent en même temps, en live. Pas juste avec le chat, mais vraiment en caméra. Je pense que c'est jusqu'à 5 ou 6 personnes. Donc, ça pourrait être intéressant d'avoir tout le monde de présent, même si un est à Québec ou l'autre à Laval, ou peu importe. Donc, c'est ce qui est intéressant avec le concept de Blog TV. Mais sinon, on attend aux suggestions aussi, les accros. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir pour le 3 ans? Parce que 3 ans, il faut fêter ça. Il n'y a pas ben de sites qui durent longtemps de même. On a vu bien des sites Internet qui nous ressemblaient et qui n'ont pas toffé à run comparé à nous autres. Là. Quand même. Ah, sérieusement, j'en ai pas vu beaucoup. J'en ai vu plusieurs qui ont essayé puis qui ont vraiment tout fait. Ça n'a jamais marché. Alors, non, sérieusement, si vous avez des suggestions, écrivez-les-nous en dessous dans le commentaire. Ce serait le fun d'avoir de nouvelles. Oui. Voir qu'est-ce que vous aimeriez avoir côté accro des jeux, troisième année. Est-ce que vous voulez des crossovers? Voulez-vous avoir des vidéos exclusives? Ce serait le fun de vous entendre là-dessus. Alors, sinon, à part ça, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre de bon à dire? Et ils vont faire. Archie pense faire un Archie Comics. Il pense faire un crossover entre Sonic et Mega Man. Ah! Ah! C'est pas vraiment parce que c'est eux autres qui ont les deux franchises pour les BD. Étrange. Oui, étrange. Je suis curieux. T'es curieux? Moi, je trouve ça très, très étrange, même trop. Pourquoi? Je sais pas, ça fit pas. Excuse, je peux faire de l'intervention. Ouais. Je trouve que ça fait pas mal plus que Archie et Punisher. Mega Man et Sonic fait beaucoup plus qu'Archie et Punisher. Probablement, oui. Ouais. Et j'ai Archie et Punisher. Ok. Pas mauvais. C'est de ta faute. Bon, tu dis que c'est de ta faute parce que t'as aidé à vouloir promouvoir un sorte de crossover qui marche pas. Mais Archie et Megaman, ça fit ces deux personnages connus de jeux vidéo. Mais c'est... Archie et Megaman? What? Sonic et Megaman. Ouais, excuse. Oui, je veux voir Archie avec un... Fail. C'était fail de ma part. ça serait drôle. Megaman et Sonic. Ouais, propose-les, ouais. Je suis pas un fan de Sonic, mais je suis un grand fan de Megaman, fait que... On va voir de quoi ça a l'air. Sinon, à part ça, moi, il n'y a pas grand-chose, je vous dirais. C'est très tranquille, les mois l'été surtout, là, côté gaming. Je vois pas ben une nouvelle, à part ceux qu'on vous jase. Là. Ben, je vais essayer Final Fantasy Theater Rhythm bientôt. Oh my God, ça, je vais pas essayer ça. Ça y est bien coté. Peut-être, oui. C'est sûr qu'il va être bien coté, c'est Final Fantasy. Ben oui, c'est sûr, mais... C'est sûr. En tout cas, je vous en donnerai des nouvelles. D'accord. Du courage. Alors. Et oui, mais qu'est-ce que tu veux? Il faut faire ça, il faut se sacrifier pour les gens dans la vie. Oui, monsieur. On avait dans le forum, il y a, je pense que c'est Kevin TMT qui nous a demandé c'était quoi nos web-séries préférées. Oui. Je vais vous demander, c'est quoi vos web-séries préférées? Il faut commencer avec Marilyn pour commencer. Elle découvre des affaires, là. Mais elle est super. Elle adore les web-séries. Pas à peu près. Il y en a une qui est française que également Big Ben connaît, c'est un de nos amis communs que je salue qui s'appelle Kainik. Je crois qu'il est encore sur le forum d'ailleurs. Et ça s'appelle la série Noob, N-O-O-B. Pour les gens, oui, ça. Pour les gens qui connaissent un peu l'univers des RPG, des MMORPG, c'est une grosse parodie de ça. Et ça fait 4 saisons que ça dure. Ils viennent même de faire la conclusion de la 4e saison. Et il va y avoir une 5e saison l'année prochaine. Puis après, ça va être terminé. Ils veulent faire un long métrage avec ça après. Mais c'est vraiment très drôle. On s'attache beaucoup, beaucoup aux personnages. Je ne m'étendrai pas beaucoup, beaucoup là-dessus parce que ça va faire partie d'une vidéo plus tard. Ouais, c'est paradra. Enfin, bref, vous allez avoir une vidéo là-dessus bientôt. Sinon, il y a une autre série. Cette fois-ci, je pense qu'elle est américaine, celle-là, mais je suis pas sûre. C'est la web-série The Guild. Oui, c'est cool, The Guild. Ça, c'est très bien. Je ne sais pas, The Guild. Et je l'ai moins suivi, mais je trouve que la dernière saison était un petit peu boboche pour moi. J'ai trouvé ça moins recherché un peu. Mais bon, c'est mon avis personnel. Là. J'espère que ça va aller mieux pour les prochaines fois. Et vive Felicia Day! Felicia Day rocks! Oui, Felicia Day, c'est vraiment la plus grande geekette que je connaisse. Effectivement. Et la plus belle. J'avais mal. Pardon? Ah, oh, excusez. Non, c'est la deuxième plus belle. Excusez. Pour toi? Pour moi, oui. Désolé, parce que j'ai toujours eu un petit faible pour les Russes, alors c'est pour ça. Qui n'a pas un petit faible pour les Russes? Coupable! Sinon, pas ça, Marilyn, est-ce que t'en as d'autres? C'est pas mal les deux que je préfère personnellement présentement. Donc, mais vous autres, quelles sont vos web-séries préférées? On va aller avec Retro Gamer. On va avec Retro Gamer, oui. Moi, j'en ai beaucoup. Est-ce que les BD, ça compte aussi? Bien sûr. Qui ne connaît pas Penny Arcade? Je déteste Penny Arcade. Ah, j'aime ça, moi. C'est cool, Penny Arcade. Mais par ça, côté vidéo, j'écoute Dodger. Ça, c'est une geekette qui parle de jeux vidéo, qui fait 3 vidéos par semaine, qui fait un genre de vlog vidéo sur les nouvelles de la semaine par rapport à ça, donne son opinion, etc. Ben, très drôle, moi je la trouve comique. Pour ça, ben, EVGN, évidemment. Motherfucker Mike. Oui, Motherfucker Mike. Non, il y a du monde qui le déteste. Moi, pourtant, je l'aime bien. Je trouve que oui, un style un peu différent, c'est pas un nerd, mais il est bon, sérieusement. Mais il y a du monde qui le batch. Il y a des gens qui le battent sûrement parce qu'il assume qu'il a fait trop d'être comme James. C'est faux. Mike et Mike, James et James. Et ouais, ils sont pas pareils, pas en tout. Ils pas en même... tout. De toute façon, Mike a son style de game, il a son style à lui, puis c'est bien correct. Moi, j'aime bien ça. Ben oui. Oui, le nerd n'est pas là depuis un bon bout de temps. Je comprends, t'es en train de tourner son film, mais... Même, il travaille fort. Il travaille. Oh oui, regarde. C'est ça. Puis présentement, Motherfucker Mike, il remplace par semaine pour garder le site actif. Puis avec des nouvelles, des choses comme ça. Ça il est... Puis il fait sa propre affaire. C'est, c'est pas une imitation. Pas non, non, non. Non. Puis il a fait une très bonne run. Moi, je sais que celle de Game Gear, je l'ai trouvée très bonne. Celle qui est sortie la semaine passée, je l'ai trouvée très bonne. Oui, effectivement. Surtout qu'il explique qu'il n'aime pas ça jouer sur les émulateurs, fait qu'il s'est fait arranger un Game Gear que tu branches dans la télé. Ça, je trouvais ça drôle. Oui, par le gars qui a fait un Nintoaster. Oui, c'était vraiment drôle. C'est fort, tu sais. C'est de la passion, ça. Oui! Sinon, pas ça, est-ce que tu as d'autres choses que tu écoutes? Classic Game Room. Oui, c'est un classique également. Ça, j'aime bien l'humour du gars qui fait ses vidéos, puis qui parle du jeu, puis qui mélange d'autres... il parle toujours de son Vectrex ou Trek machin. Il dit toujours genre « Mais c'est plate, le jeu n'est pas disponible sur le Vectrex. » Salopard! Salopard! De temps en temps, il change de console juste pour ça, puis il part sur une chire pendant plusieurs vidéos là-dessus. Puis toi, PL, qu'est-ce que tu as à proposer comme série? Regarde, c'est beaucoup, c'est quand même pas mal de Channel Awesome, mais juste moins de ces temps-ci parce qu'il y en a moins qui sont intéressants. C'est sûr, en tant qu'incontournable, c'est Nostalgia Critics, c'est Cinema Snob, c'est A Tale of Four Walls, c'est un de mes grands préférés. Il n'y a plus de Channel Awesome, mais moi je le suis pareil. C'est The Spoony Experiment. Ah, il n'y a plus avec eux autres, hein? Il n'y a plus avec eux autres. Puis c'est un sujet assez sensible. Parce que moi, j'y suis ça au point tel où c'est que je connais les deux bouts. Puis même Noah Antwiler, il est là, il a dit, garde, on tourne la page. Moi, je fais mes affaires. Puis Channel Awesome, c'est le passé. Là, je me concentre. Peux-tu nous faire un petit résumé en une minute? T'es-tu capable de faire ça? Moi, essayer. C'est que, dans le fond, Noah Antwiler, c'était documenté. C'est malheureusement, comme bien d'autres critiques, en fait, c'est un des prétextes. C'est juste que Noah est plus affirmé à ce niveau-là. Noah, c'est pas tant qu'il a été vulgaire, c'est qu'il a vraiment poussé loin avec ses jokes sur Twitter. Et il y a certains qui ont pris ça par offense, puis peut-être juste en trop sérieux. Ce qui a fait que c'est quand même qui a créé de la merde, mais que Noah en a bien profité pour encore plus pousser la joke encore plus loin. Fait que c'est vraiment comme dégringolé. Fait que au moment où c'est que ça l'a pété, pas avant que ça pète, au moment que ça a pété, ils ont juste dit, garde, va te reposer. Ok. Fait que finalement, ils voulaient juste éviter. C'était assez élevé. Ben, des gens avaient blasté Noah. Moi, j'avais de la pitié pour Noah parce que c'était un genre-là. Carlick, man, ayant su ses blogs, il s'est fait chier en chien sur la tête pour ses raisons médicales, pas juste pour sa dépression, mais aussi pour sa santé physique. Il essaie de faire plaisir à tout le monde, il travaille fort pour ses vidéos, même s'il fait juste une vidéo quasiment à chaque deux semaines ou par mois, une vidéo de critique. Mais ça reste que dans le cas de Noah Antwiler, c'est son gagne-pain. C'est ça. Fait que lui dans le fond, on peut quasiment. Lui, dans le fond, c'est un peu une arme à deux tranchantes. Il a succombé un peu à la pression. Mais également, il y a le fait qu'il y a même des explications que. Ah, ben, il y a plus de blonde, fait qu'il pète encore plus facilement sa coche. Ouais. Ça, c'est. Mais ça, c'est. Ça reste à discuter, là. C'est là que je dis que les gens, les gens, même à l'interne de Channel Awesome, ont trop pris ça au sérieux. Ironiquement, les gens de Channel Awesome étant ceux qui ont le mieux agi aux fans, comparé à même des articles qui ont dit « Oh, ben, Noah Antwiler, c'est un fucké dans la tête que quand il n'y a pas de blonde, ben, il se lamente comme un cave, puis ça, non, les gens pas... Non, c'est un article-là qui est sur theinternet.net, ironiquement. C'est faux! Okay. C'est faux! Tu veux du mauvais journaliste? Theinternet.net. Fait que c'est ça. On va finaliser ça tout de suite pour ce qui est de ce côté-là. On prend pas position de notre bord. C'est mieux pas, ça vaut pas la peine. Puis anyway, c'est les deux parties eux-mêmes ont dit, garde, c'est fini, on passe à autre chose. C'est ça. Ça reste quand même. Noah va quand même parce qu'il en fait partie se promouvoir le film de Nostalgia Critic. C'est là que je sais que j'ai lu qu'il demandait aux fans, blastez pas Channel Awesome. J'ai des bons souvenirs avec eux autres. Même Channel Awesome, il dit, ben, tu sais, Noah, c'était un des trois gros qui a aidé à partir de Channel Awesome. Okay, oui. Il y a un certain aspect de on part en bon terme, même si c'est vraiment la situation est tournée au vinaigre. Mm-hmm, effectivement. Fait que je vais y aller avec mes suggestions à moi. Pour ce qui est des séries, moi aussi c'est beaucoup de Channel Awesome, mais j'ai arrêté un peu. Tout simplement. Il n'y en a plus autant qui sont bons comme avant. Non, c'est ça. Il y en a quelques-uns que je suis encore. Nostalgia Critic, je trouve qu'elle est très bonne. Todd in the Shadow, oui. Que Marie m'a fait découvrir et que j'adore Todd in the Shadow. Moi je déteste. Mais peut-être que moi c'est parce que moi je comprends pas. C'est quoi qui t'attire de Todd in the Shadows? Moi, ce qui m'attire personnellement, c'est, ouais. c'est son opinion qui est franche sur les chansons qu'il fait. C'est son style qui est différent aussi. Tu sais, le fait... C'est rare qu'on voit ça avec quelqu'un qui veut juste pas se montrer carrément du tout à la caméra. Oh, mais c'est juste... Oui, vas-y. Oui, c'est beau. T'es elle? J'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai dit, mais c'est une gimmick. Ben, non. Gimmick un peu fastoche, même. Ouais, mais regarde, moi, je trouve que ça donne son charme dans un sens, là. C'était un personnage, là, tu sais. Là-dessus, moi, je trouve que c'est bien correct qu'il fait ce qu'il veut, là, s'il veut cacher son visage ou pas. Ah, oh, oui, oui, absolument. Puis, de toute façon, moi, c'est surtout ses opinions. Il a une bonne voix. Ah, ouais, mais, tu sais, je veux dire, de toute façon, c'est surtout ses vidéos sont très bonnes, je trouve. C'est un gars, côté musique, il est calé en crisse, là. C'est un ancien journaliste en musique, là. Ça paraît. Puis il se contentera pas juste de dire ah, oh, j'aime cette tune-là parce qu'elle a un bon beat. Tu sais, il va vraiment pousser, puis il va même aller voir le vidéoclip pour dire ce qu'il en pense. Les paroles aussi. Puis dire, gars, ça n'a pas d'allure, certaines paroles ensemble, ça marche pas. Pourquoi tu as mis ça là? C'est quoi le trip d'écrire quelque chose de même, là aussi? Ça rajoute, tu fais pas de destroy. Moi, c'est ce que je trouve. Ouais, c'est vrai, dans un sens, c'est vrai. Je m'ennuie que des anciens Claude Rajotte. Pas vous autres? Non. Oh. Moi, je m'ennuie de Claude Rajotte, mais pas de Claude Rajotte lui-même. Sinon, à part ça, moi, dans les séries, Marie m'a fait découvrir récemment Cyprien. De quoi? C'est un Français qui s'appelle Cyprien. Je vais laisser Marie y parler parce qu'elle, elle m'a tellement sauté ça dans la chambre. De sauter ça dans la chambre. Elle a sauté de sa chaise. OK. Ça portait okay. À confusion. Ouais, ça aurait pu, en effet, porter à confusion, tu sais. Ouais, je sais, mais c'est parce que mon... comment dire ça? Souvent, je sors les mots, mais ça sort tellement pas de la manière que je voulais le dire, là. Je voulais juste dire qu'elle a sauté de sa chaise quand j'ai dit Cyprien. OK. T'es pas tout seul, Big Ben. Non! Batman aussi est comme ça. Oh. Tant que t'es Batman, c'est correct. D'accord. Marie-Ève va le sauter de sa chaise. Pas yeah. Batman différent, mesdames et messieurs. Qui est qui? Donc, Cyprien. Ouais, Cyprien, ou si vous le voyez sur YouTube, il s'appelle Monsieur Dream. Lui, il fait des vidéos. Je trouve qu'ils sont de très bonne qualité et sont très punch. Je pense qu'il est humoriste en France, mais je ne suis pas certain. Parce que de ce que j'ai pu voir, il fait partie de certaines émissions en France aussi. Il a son propre site web. Et moi, j'ai découvert par YouTube. Il va donner son opinion sur à peu près tout et n'importe quoi, je dirais. Un peu, si vous connaissez Gabrois, mais un petit peu plus professionnel. Okay. Que lui. C'est très bien fait. C'est très humoristique. Je trouve ça bien fait. Il a fait une vidéo sur les geeks, comme quoi c'est rendu tellement la mode d'être geek. Mais comment reconnaître un vrai geek d'un faux geek? En cas, c'est très, très, très drôle. Sinon, il a fait un sur les jeux vidéo, entre autres. Un qui parle, qui comprend pas le principe de Zelda dans lequel les pots dans les maisons. Dans le sens que tu pètes un pot, tu reviens dans la même maison, le pot est toujours là. Fait qu'à un moment donné, il décide de péter tout dans la maison, il revient, tout est correct. C'est comme, c'est quoi le problème, là? C'est un jeu vidéo! Fait que... Là, c'est ça, je donne les mêmes arguments que Marie pour ce qui est de Cyprien, ça me fait vraiment rire. Puis mon dernier, celui que vraiment je veux viser cette année pour avoir une entrevue, lui puis son acolyte, c'est le joueur du grenier. Je veux vraiment avoir une entrevue avec ces deux-là cette année. Je trouve, comme le Angry Nerd, je trouve que le joueur du grenier fait une très bonne job. Les vidéos sont drôles, mais c'est pas ses critiques de jeu que je trippe le plus, c'est vraiment ses critiques de séries télé que je trippe. De la manière qu'il présente, ça nous redonne des souvenirs, puis il y a des choses que je me souvenais pas qui m'ont fait rappeler. Là. J'ai vraiment capoté. Là. Fait que je pense que ce serait... Mais oui. As-tu contacté le joueur du grenier? J'ai déjà contacté. Le problème, c'est surtout le fuseau horaire. Ils ont 6 heures de plus que nous autres. Fait que quand je finis de travailler, il est comme 3h30. Lui, il est déjà rendu 8h, 9h. Oui. Fait que tu sais, c'est sûr que c'est pas évident de faire une entrevue. Moi, je sais, la première entrevue que j'ai faite, c'est avec Benzaï. Puis on l'avait faite, il s'en allait se coucher, là. Tu sais, c'était sa dernière chose qu'il faisait, là. Puis depuis ce temps-là, on a toujours eu un peu plus de misère à faire une entrevue. Ah, oh, mais là, t'es en vacances. Oui, peut-être. Je pourrais essayer, peut-être. Mais c'est plus difficile, là. Il est beaucoup en demande partout. Mais je vais essayer cette année de faire une entrevue avec lui. Ce serait vraiment cool. D'ailleurs, il est tellement demandé que il fait des caméos dans des web-séries. Ouais, entre autres dans Noob. Nice. Ouais. Et aussi dans une vidéo de CE. Nice. C'est, oui, c'est vrai. Si vous vous souvenez, celle du concours des accros, il avait fait vraiment la vidéo de « On peut tout faire avec avec un jeu vidéo, comme couper du jambon. » Oui. Ou ce panier. Oui, effectivement. Fait que, non, ça serait un miracle prochainement. Ça serait quelque chose que j'aimerais fortement faire. Alors, là-dessus, je pense qu'on va conclure le podcast. On a fait quasiment un gros 2 heures, proche de 2 heures. Ça a été un gros 2 heures bien rempli. Et ça, en parlant de tout et de rien. Et de tout et de rien. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce podcast-là. Nous autres, on a eu du fun à le faire. Ben oui. Mais ça. Fait que, surtout Batman. Batman a aimé les podcasts des accros. Mais moi, j'ai peur de Batman. Batman dit que c'est fini. Fait que c'était le Big Ben. Rétro Gamer PQ. Antithèse. Puis Marilyn. Qui vous dit, écoute, attendez-nous au prochain podcast parce que ça va être aussi drôle, je pense. Merci beaucoup. Je serai pas ce voilà, mais inquiétez-vous pas, ça me tente pas de faire un Batman. Merci beaucoup tout le monde et à la prochaine. À la prochaine. Bye bye.